Je vais vous présenter l'offre de parrainage EDF. Papy, qu'est-ce que tu fais là? Il faut partir maintenant. Hein? Ah bon? Ben oui, maintenant, c'est le filleul qui gagne le plus. Jusqu'au 31 décembre, souscrivez un contrat d'électricité en offre de marché et devenez filleul pour bénéficier de 40 euros remboursés sur votre facture d'électricité. Infos et conditions sur edf.fr/parrainage. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Il s'agit du flow de cast. Ça pue sa mère. Florent Bernard. Bravo. Adrien Méniel. Bravo, bravo. C'est très très impressionnant. Ah ouais, c'est toujours un spectacle, hein, de toute oui, façon. Oui, bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro du Floodcast. Je suis Florent Bernard et contrairement à l'accoutumée, c'est un best-of que je vous propose cette semaine. Voilà, ça fait longtemps qu'on nous avait demandé un best-of. On en a fait un sur les 9 ans qu'a le podcast. On avait fait un best-of il y a 3 ans déjà. Donc je me suis dit que c'était quand même plutôt cool de reproposer ça parce qu'on a eu beaucoup d'épisodes et de moments marrants dans ces épisodes ces 3 dernières années. Et puis en plus, pour être tout à fait honnête avec vous, c'est vrai que le rythme est un peu chaud en ce moment pour Adrien et moi. On est tous les deux sur des gros projets d'écriture dont vous avez sûrement déjà entendu parler. Et puis il y a la tournée d'avant-première. Alors pareil, ça, je vous en parle pas mal, mais mine de rien, ça nous prend pas mal de temps. Et donc trouver des endroits avec des invités dispo, etc., etc., c'est peut-être un peu difficile parfois, mais vous inquiétez pas, là c'est best-of, mais dès la semaine prochaine, c'est un épisode normal. En plus on reçoit Pyjama et Camille Fieves, donc on est trop contents, mais cette semaine c'est best-of. En plus le best-of c'est plutôt cool parce que pas mal d'auditeurs m'avaient dit sur le dernier best-of qu'on avait fait, que ça leur permettait de partager le Floodcast à leurs potes. C'est une bonne façon de découvrir un peu l'ambiance du podcast que d'écouter un best-of. Et puis là c'est un best-of avec du Ramzy qui fait de l'ASMR, avec du Valentin Vincent qui fait Georges Brassens. Donc voilà, un petit best-of, j'espère que ça vous fera marrer. Puis je vous dis à vite, bisous. Il s'agit du flow de casse. Moi c'est vraiment une toute petite recommandation. Vas-y. Culturelle. C'est un compte Instagram et TikTok qui s'appelle Chic Right. Chic comme quelqu'un qui est chic, ou comme le groupe Bien sûr. Point Right comme écrire. Et c'est juste quelqu'un qui fait des reviews de produits de papeterie, généralement japonais. Donc des trucs très... Quoi? Bah t'es en impro total, ça veut rien dire. Ouais, on dirait qu'il invente. Tu colles des mots qui n'ont pas de lien. Bah, TikTok de papeterie japonaise. Right. Bah, vous savez quoi, vous êtes cons. Voilà. Vous êtes des sacrés cons. Vous êtes nuls. Ah, bon, mais ça aide des reviews, je comprends même pas ce que c'est. Mais en gros, il passe en revue. Vous adorez, maintenant vous êtes. Vous trouvez génial. Je suis hyper déçu. Vous liguez contre moi, les deux là. Non, non, mais c'est. Tu racontes, c'est n'importe quoi. Mais pas du tout. Mais c'est genre des. Oui. Des origamis. En fait, non. Mais quoi, enfin, je comprends pas. Mais de papeterie, pas de. Mais de quoi? Il conseille une papeterie à Shanghai. Non, pas la papeterie en terre. Le magasin, la papeterie. Alors quoi? Prenez ce bol duc. Non mais pas. Laissez-moi. Non mais en vrai c'est un peu ça. Hein. Je dis pas que c'est. Non mais moi j'adore ça. Voilà. Bah, attendez. J'assume. Il est fou de bol duc. Non mais par exemple une agrafeuse sans agrafe. Ah oui, je vois, ça me fait chier aussi. Ah oui, bah pardon. On n'est pas tous à faire de la moto. Mais c'est quoi une agrafeuse sans agrafe? Alors, ça agrafe pas. Mais si, je vais t'expliquer si vous me laissiez parler. Je suis censuré dans cette émission. Non, bah, moi j'en ai une, j'en ai acheté une du coup, une agrafeuse sans agrafe. Et c'est japonais, les japonais ils sont très forts pour tout ce qui est. C'est papeterie, mais c'est aussi des petits objets pratiques. Oui, oui, oui, je vois ce que j'adore tu veux les dire. Trucs pratiques. Il invente au fur et à mesure. Allez-y sur le compte si j'invente. Sortez vos téléphones. Non, j'adore les trucs pratiques, bien conçus, jolis. Et donc quoi, ils vendent des gommes, ils mais vendent. Mais personne des trucs. N'aime les choses pas pratiques et moches. Il y en a qui s'en foutent. C'est la différence. Comme si je te disais personne. Moi j'aime c'est... les fourchettes recourbées. Non, la nourriture qui tombe. Je vous emmerde tous les deux là. Les stars là. Une agrafeuse sans agrafe, c'est tu prends tes feuilles, t'agrafes et en fait t'as un ingénieux système de perforation et de pliage, ça te fait un petit trou et ça marche pas. Ah, c'est le truc que tu peux faire à la main. Mais non, pas du tout. Pas du tout. Ça se disloque, c'est sûr. Mais pas du tout. Tu te moques des gens qui t'écoutent. Il se toi... regarde, genre. Bon, Florent, fait quelque chose. Quelque chose. Oui, c'était une blague. Oui, c'était une blague, Sarreco. Il a dit. TF1. Je l'ai pas dit encore. Ah, voilà, voilà, mais c'est ça. Le non, mais mal c'est... de ce monde. Non, mais ça, en plus, sérieux. Il va nous faire une. En plus, si je suis honnête. Il va partir. Il va dire, laissez-moi. Je fais une recommandation, respecte-moi. Mais si je suis honnête, ça commence un tout petit peu à me motiver. Mais en plus, je suis sûr que. Bah, évidemment. Va voir. Donc, redis, comment ça s'appelle? Chic.write. Mais ça, c'est un truc, on va, tu dépenses des sous, t'achètes les trucs. Ça peut arriver. C'est smart, c'est élégant, c'est les lignes sont jolies. Des petites boîtes avec un truc, avec un truc magnétique et tout. Et là, tu fais, ah, c'est pas mal quand même. Avec des petits crochets que tu peux accrocher dessus. Mais est-ce qu'il y a des astuces ou c'est que des trucs à acheter? Non, c'est que des produits. Non, mais on va se ruiner. Bah, c'est ça, c'est un truc de consommation. Non, en vrai, de fou, ça va, parce que t'as pas envie de tout acheter. Et attends, et t'achètes et ça met 9 ans à arriver parce que c'est là, ça vient de là. Pas forcément, tu peux des fois les trouver en France. Des fois, non, à mon grand dame. Qu'est-ce que t'as acheté d'autre à part cette agrafeuse qui plie? Bonne question. Tu peux le faire avec tes doigts. Et pas du tout. J'aurais dû l'amener. Je t'avais dit, de l'amener. Hein. Ah, alors, qu'est-ce que t'as besoin d'agrafer dans la vie, toi? Ouais, c'est vrai. Bah, si, ah bon, par exemple. Quoi? Je sais oh, pas, il vous gardez. Pas, il a pas la fin. Ouais, elle me laisse pas parler parce qu'elle sait que je vais te dire une grande vérité. Une grande vérité. Non, mais tu, je sais pas, tu reçois tes contrats et ces deux feuilles, machin, et bah, au lieu de les paumer avant de les ranger. Clac. Un petit coup d'agrafeuse. C'est nul, les contrats, mon pauvre Adrien. Des bah, non, j'en ai reçu un. Oui, bah, j'aimerais bien. Mais t'en as reçu un et tu t'es dit. C'est pas graffé ensemble. Ouais, bah voilà. Bah oui, bah écoute, j'ai une vie triste, j'avais prévenu tout à l'heure. Super. J'adore super. Marcher. mais pas que. Super. J'adore aussi que ce soit alors, bien redis, organisé attends, chez redis moi. Redis le nom parce qu'en vrai, je vais aller voir direct. Moi aussi, ça. Évidemment. Chic. Point. Comme le fameux groupe. Bien sûr, on y revient. Point. Write comme écrire. W-R-I-T-E. Ok, une papeterie japonaise. Et le mec, il fait ça, c'est filmé du dessus, il a une voix très calme et il hésite pas à dire quand il y a des trucs qui sont quand même pas si bien faits que ça. Il dit alors, le petit défaut, c'est quand même que quand tu mets trop de feuilles, bah le petit repli magnétique il tient pas, tu vois. Parce qu'on connaît le lobby d'Office Depot, de Rougier et Play. Non, on n'est pas là-dedans. Oh, tu trouveras ça jamais chez Office Depot. C'est de niche. Bien sûr. Il s'agit du flow de cast. Patrick, fais-nous Patrick. Un petit Patrick. On a Patrick. Non, allez, on a Patrick avec nous. Salut Patrick. Putain, non, ça fait chier. Putain, non. Parce que les mecs ils m'imitent et puis après je suis gêné. Non, mais j'adore ta guitare autour du cou là. Ouais, c'est pas une guitare. C'est quoi? Devine. Un indice, ça a deux couilles. Ouais. Bah ouais, beauf c'est pas un gros mot. Ouais, c'est pas un gros mot, moi je suis fier. Beauf c'est pas un gros mot, beauf. Moi j'aime les artistes. Bah ouais, c'est ça. Il s'agit du flow de cast. Insolite, je vais vous parler d'un couple, ok? Peut-être le couple le moins chanceux du monde. En effet, leurs vacances en Turquie se transformaient en cauchemar, comme le titre West France, à cause de trois cailloux. Trois cailloux? Trois cailloux, trois roches. À votre avis, qu'est-ce qui leur est arrivé? Alors, il est question d'amulettes? Alors, il n'est pas question d'amulettes. Attends, parce que Pio nous a dit en antenne qu'il était fou d'amulettes. J'adore les amulettes, j'adore les bagues sacrées, j'adore les catadiopes, tout ce qui est fabriqué à base de pierres semi-précieuses, c'est ma cam. Voilà, si. Voilà, n'hésitez pas à lui envoyer. Tu voilà. as un mage, tu as une sorte de magicien. J'aime la magie, un druide, noir ou blanche, qu'importe. J'ai envie de vivre ma vie, merde. Allez, ouais. Ça vous donne une idée de l'ambiance sur un tournage avec Pio Marmaille. Voilà, vous avez un petit condensé. Mais c'est bien, mais attends, t'as raison. Si on parle de Turquie, c'est un rapport avec des implants capillaires ou des non, implants dentaires? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, il ne s'agit pas d'un youtubeur. Si c'est pour moi que tu dis ça, c'est. Non, mais toi, cailloux, ça n'a rien à voir. Vraiment des cailloux. De vraies roches. Non, mais des cailloux, pas des trucs, des gros trucs. Non, des petits cailloux. Des petits cailloux. Est-ce que c'est dans leur bouffe? Non, pas dans leur bouffe. Dans leurs chaussures. Pas dans leurs chaussures, non. Dans leurs vêtements, non. Alors, quelque part dans leur valise, j'ai envie de vous dire. Ah, j'ai une idée, je sais. Ils se sont fait arrêter à la douane. Ouais. Et ils avaient des cailloux de crack dans leur. Ah non. Dans l'inverse, non. Moi je dirais. Ah, on a cru que c'était ouais, ça. Ouais, je pense que c'est ça. Non. Je pense que la douane a dû penser que c'était du quecra. Alors qu'en fait c'était des fous de roches. De simples amulettes. C'était des fous de roches semi-précieuses. Et hop, au placard. Merci, au revoir. Ciao. Alors, vous êtes presque ce là. Ce sont des amulettes, oui, bien sûr. Surtout que je dois dire. Je fais une précision. Pour ceux qui ont vu un certain film, Les Prisons en Turquie. Oui, bon. Oui, non, mais c'est ça. Mais ceci étant, vous êtes presque dedans et pas dedans. C'était une fiction, hein. Ouais. Dois-je le répéter? Je sais que c'est ton cheval de bataille. Cheval, sans jeu de mots, bien sûr. Bien sûr. Non, en fait, vous êtes presque ça. Je vais vous l'accorder parce que tu disais en riant, c'est des amulettes et pas du crack. Ils ont cru que c'était des pierres sacrées. En fait, ce qui s'est passé, je vais vous raconter. Une semaine de vacances. Attends, ça tombe extra. C'est fou. Ça tombait extrêmement bien. Tu savais qu'il était fou d'amulettes ou... J'ai énormément bossé. J'ai énormément bossé. C'est vrai que c'est assez dingue. Dans Bretzel, t'es tombé à côté complètement. Mais là, c'est fou quoi. Dans 5 ans, je remplace Delahousse. Vous m'entendez? C'est le but. Une semaine de vacances passée en Turquie qui s'est très mal passée. Le couple a été arrêté à l'aéroport par le service des douanes. Ils avaient glissé dans leur bagage 3 cailloux trouvés sur un terrain vague, un souvenir de leur séjour. Ce séjour horrible? Parce pour que voulait... le souvenir que tu ramènes, c'est une pierre d'un terrain vague. Ils voulaient les mettre dans leur. On n'a pas le temps, prends un souvenir. Prends un souvenir, mais c'est rien. C'est côté de l'aéroport. Quelque chose, merde. C'est pour les gosses. Je suis en train de pisser. Mais c'était pour leur aquarium, dites-vous. Ah. Il s'est dit, ah, mais parce qu'en fait, nous, on fait le tour du monde et on met des petits cailloux de tous les pays dans notre aquarium. C'est mignon. Un peu mignon, un peu, tu vois, ça pourrait marcher. Mais c'était malheureusement des pierres sacrées. Hélas, hélas pour eux. Alors, ce n'en était pas, mais. Les autorités turques l'ont cru. En fait, c'est ça qui s'est passé. Le couple a dû passer une nuit à l'aéroport en attendant les résultats d'une expertise pour vérifier si ces pierres étaient sacrées. Ils ont dû se plier à des relevés d'empreintes, assister un avocat turc qui malheureusement ne parlait pas bien anglais, donc malheureusement très peu pu les défendre. Et au final, le turc est assez proche de l'anglais. Bah visiblement pas assez, visiblement pas assez pour vous eux. Vous connaissez un peu la langue. Au final, le jeune homme de 28 ans est pour l'instant coincé en Turquie, encore. Quoi, c'est encore maintenant là? Toujours aujourd'hui. Alors, c'est, oh, regarde, il fait un film là dans sa tête là. Regarde, il se dit alors comment ça pourrait être la une de Libé, ce titre. Maudite vacances, il faut que ça corresponde à ma vie, il faut qu'il puisse le placer au niveau de l'interview. Un caillou dans la chaussure, non. Turkish holiday. Ok, c'est parti. Mais oui, non, parce que c'est arrivé le 16 septembre, donc ça fait déjà une bonne semaine. Oui, mais il faut le temps de clarifier aussi l'histoire. C'est ça. Est-ce que ce sont des amulettes? Est-ce que ce ne sont pas? Ça se trouve, c'est ça. Je vais réveiller un fantôme, ça se trouve. Qu'est-ce que c'est des pierres sacrées par contre dans la vraie vie? C'est-à-dire dans la vraie vie ça dépend. Voilà, bah là on va demander quand même à l'expert. Si on rentre dans le détail, voilà, le druide pio, druide marmaille. Moi c'est le titre de l'épisode. Simplement c'est des pierres semi-précieuses, je le précise parce que je pense que les auditeurs vont essayer de me faire passer pour un magicien un peu trop puissant. Moi je reste vraiment proche du peuple. Je veux un truc qui soit efficace dans un rayon de 5 mètres. Donc pour ça, le mieux c'est tout ce qui est lapis lazuli. Il y a des vrais termes. Lapis lazuli et quartz. Let's go, on passe à la suite. Non mais voilà, juste que vous sachiez, ils sont pas juste complètement fous en Turquie, c'est juste que l'exportation de biens culturels et d'antiquités est sévèrement réglementée et punie en cas de fraude en Turquie et de peine de prison. La notion d'antiquité est interprétée de façon très large par la loi turque, explique le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Ici, ils avaient trouvé ça sur un site protégé ou un truc comme ça. C'est possible, en fait, c'est pour ça que c'est en pleine expertise. D'accord. Il s'agit du flow de cast. Avez-vous entendu Francis Huster sur France Inter, je crois? Je crois, ouais. C'est sur France Inter, c'est dans l'émission non, France Culture. C'est un régal. Dans l'émission Les Chemins de la Philosophie. D'ailleurs, juste un bon pseudo Twitter, je vous le donne parce que je suis plus sur Twitter, Francis Hustler. Oh oui, elle est très bien. Peut-être que ça existe déjà. Donc c'est là, calme-toi. Les gens n'ont rien dit. Pardon. Non, parce que les gens n'ont rien dit pour le moment. Non, pour mais t'en fous, tu vois. Ils disent toujours les trucs. En plus, ils te le disent à toi. Ils ne m'envoient pas les trucs à moi. Dis donc, Adrien, il a dit ça. T'as un charisme indénominable. Alors que moi. J'aime bien. Mais non, mais t'es accessible, Claude. T'as des anglaises. T'as une bonhomie avec ton gros nez. Pardon? T'as une bonhomie de. Mais toi aussi, t'as un gros tarbouif. C'est vrai, oui, mais quand même. Les non, amoureux oui, des non, bien sûr. Régal. Ah non mais moi Donc dans les chemins de la philosophie Francis Huster est venu pour parler un petit peu de Molière. T'es un et... angelot, tu comprends ça ou pas? Je suis un angelot. Non mais c'est un bouton. Mais je... un putain de en bouton. Fait j'étais dans mon petit nuage, je suis tombé du vraiment ciel. Vraiment entre Seth Rogen et un ciel. Angelot. Oh. Je fais les bruits moi les petites nuages. Drôlin, drôlin. Et donc Adèle Madrid. C'est Dieu, c'est Dieu. Tu joues Dieu? C'était Dieu, avec la voix de JC apparemment. Et donc dans les chemins de la philosophie. Regardez bien ce qui se passe en Ukraine. Regardez bien le visage de Joe Biden qui a déshonoré l'Amérique. Jamais John Fitzgerald Kennedy n'aurait laissé faire ça. C'est-à-dire que il y a 42 millions d'Ukrainiens, 70% sont des chrétiens et le pape reste au Vatican au lieu d'aller à Kiev et de dire tuez-moi, je représente le Christ. Je représente le Christ. Est-ce que vous croyez voilà. Tuez-moi. Au lieu d'aller à Kiev, je veux dire tuez-moi. J'accouille. J'accouille à Il a bifurqué, il part de Molière où il est déjà très énervé de base. Et donc ça me fait rebondir parce que Francis Huster avait fait un truc que j'avais trouvé génial. Il était allé faire, il a fait une pièce de théâtre sur Albert Einstein, et il était venu faire la promo sur Europe 1 déguisé en Einstein avec la petite moustache. Vous pouvez pas voir mais c'est Jean Ferrat. C'est vraiment une bonne, une très bonne gueule. Et alors vous pourrez dire, ah bah il est allé en perso. Non non, il était déguisé et il répondait en Francis Huster, mais il était déguisé. Il répondait pas en tant que Einstein. Non, non. Bon, en même temps c'est un peu dur à tenir, je pense. Excuse-moi, mais là la photo que tu nous montres, on dirait un mini cum de Einstein. Bah, on peut pas vous dire mieux, c'est exactement ça. En fait, on pourra rien ajouter, c'est exactement ça. D'ailleurs, si vous tapez minicum de Einstein sur Google, c'est cette photo. C'est ça. Oh là là, déjà minicum de Einstein, un très bon titre. Un très bon titre, évidemment. Très, très rapidement. Voilà, c'est une petite. Voilà, une petite. T'avais un truc sur Francis Huster aussi. Il y a quelqu'un qui vient. Non, c'est des va-et-vient. Des c'est peut-être quelqu'un qui essaie de voler mon vélo. Mais et j'espère que c'est pas l'agresseur de mon chien d'hier soir. Non, je pense pas qu'il t'aurait. Alors moi, j'espère parce que je vais le défoncer. Ah ouais, j'ai de la rage en moi. T'es Batman, je crois. Je suis la vengeance. Ouais, voilà, d'accord. Soy la venganza. Totalmente. Non, moi je me souviens dans Nulle part ailleurs, je crois. Il y avait d'ailleurs une séquence un peu peut-être problématique aujourd'hui s'il le refaisait. De toute façon, non, tout. Bien sûr, aujourd'hui, on peut plus rien faire. Avant 2019, tout est pas bon. C'est une autre époque. Ouais, allez. Non, mais en gros, c'était l'invité qu'allait. Je crois que c'était l'invité qu'ils avaient prévu de recevoir. Ils envoyaient quelqu'un, genre la semaine d'avant, le filmer. Et c'était un mec avec une caméra qui le filmait dans la rue, genre, mais. Et qui le suivait sans rien dire. Ah oui. Et donc l'autre disait, mais vous faites quoi? Pourquoi vous me filmez et tout? Et le gars ne disait rien. Et après, il diffusait ça dans Nulle part ailleurs. Je me souviens qu'il y avait eu une séquence avec Thierry Lhermitte où il était un peu vénère. Et, parce qu'il suivait les gens jusque chez eux. Ah oui, c'est une ambiance. Non, mais les amis, là. Un peu compliqué. Non. Et Thierry Lhermitte, il était un peu vénère. Il avait ouvert la porte de chez lui. Il avait dit, allez-y, rentrez, je vous en supplie. Et après, on le voyait. Faire du Krav Maga. Non, mais oui, en gros, il lui arrachait la caméra. Et sans doute, peut-être, il l'avait tabassé. Et en vrai, bah oui. Non, et donc, Francis Huster, lui, était dans l'extrême inverse. C'est-à-dire qu'il était extrêmement affable avec le mec qui était juste quelqu'un qui le harcelait. Il disait « Ça va? Tu vas bien ?» et tout. Et il le faisait monter chez c'est lui Renault, dans son en fait. Appart. Et il disait « Ça va? Tu veux un coca? Tu veux un Perrier? Vas-y, installe-toi et tout. » Après, et donc, ça décharge le gars adorait Molière. S'il avait dit « Ouais, Molière, pas ouf », il aurait fait « Quoi? Tu es moi? Vous êtes une ordure !» On dirait un peu mon perso de l'histoire, là. « Les jeunes qui t'aiment pas, Molière, des ordures tout simplement, voilà. La femme dans toute sa splendeur. Le personnage de la femme qui est célébré dans cette œuvre. À chaque fois, en fait, il perd ses dents, donc il les remet un peu dans sa bouche avec ses lèvres. Il bave beaucoup. Il s'agit du flow de cast. Chers amis, ça fait 1h10 qu'on parle. J'ai un autre jeu à vous proposer. Ah oui, c'est vrai que tu m'avais dit que ça allait être une catastrophe. Alors, c'est bizarre. Pourquoi? Parce que la dernière fois qu'on a reçu Gaël, on avait joué à un jeu. On avait joué à un jeu qui s'appelle le jeu qui s'appelle Henri. Je sais pas si tu te souviens, Gaël. C'est-à-dire que je reprenais la chanson « Je me présente, je m'appelle Henri okay. ». Je me présentais d'une certaine manière. Il fallait connaître le Henri célèbre. C'était génial. Okay. Chanson de Balavoine. C'était mais génial. On va pas jouer à ça. J'adore Balavoine. J'ai réécouté Balavoine hier, c'est fou. Incroyable. Nathalie, la dernière fois qu'elle est venue, oui, nous a fait écouter sa parodie Lapita. De la Ziza. Lapita. C'est fou. Attends, c'est dingue. Tout se recoupe. J'y pensais hier. À cette parodie. La pita, bien sûr. Oui. Ah ouais, mais j'aime bien faire ça aussi. Petite boulette de kefta. Après, je sais plus. Eh bien, je me suis dit qu'on pouvait faire un jeu, à savoir, je vous chante des recettes de cuisine sur des chansons célèbres de Balavoine. Donc. Il faut trouver quel plat c'est. Ah oui, parce que les chansons sont très connues. Qu'est-ce que c'est? D'accord. J'entends. On est devenu le Festival Robles. Par exemple, si je vous dis, je suis excité là. Ça y est. Il faut chanter la réponse. Non, pas forcément. Faut dire la réponse parce que le refrain c'est la réponse. Donc vous avez tout. Ah. Faut qu'on trouve avant le refrain. J'aimerais apporter une précision. Dis-moi. J'ai l'impression que tu ne lis pas la recette, mais plutôt la fiche Wikipédia du plat. C'est un mélange de tout. Okay. Il y a des petites paroles. J'ai bossé un peu mon truc. Ça c'est un blanc neige. C'était pas difficile. Un plan de notre terroir. T'en trouves chez Thierry Marx ou dans un campanile. Un souvenir de cantine. Le bœuf friand. Le frigo dans le plat. Le friand. On le cuit pendant 5 jours, mais c'est toujours trop froid. Selon les carnets de Julie Andrieux, voici les ingrédients. Macédoine. C'est froid la Macédoine. Hey, allez, c'est parti, je peux te dire. Et un bouillon de légumes. Poireau, carottes, navets. Oignons, céleri, choux, et puis les pommes de terre. Oui, là y a des conseillers, mais des clous de girofle. Oh, dégueulasse. Peuvent aromatiser, ça ressemble à de la potée. Par contre, c'est la panique chez les véganes. il faut de la viande bovine. Et après, c'est quoi le refrain? Attention, il va partir dans les aigus. Pot-au-feu, pot-au-feu. Aïe, aïe, aïe, ça va être dur là. Oui, il s'agit d'un pot-au-feu, le plat préféré des vieux. La viande reste toujours coincée entre les dents. Oui, il s'agit du pot-au-feu, cet enfoiré de pot-au-feu. Il y a toujours un légume que t'aimes pas dedans. Ouais. C'est le navet, c'est le navet. Ouais. Oh, mais arrête de dire comme moi maintenant. Putain, jacuzzi. J'en ai marre. Oui. Ok, bon, un point pour Nathalie, on compte les points. Alors, j'ai on compte les points. Ah, on les compte. Se casser les couilles. Pas de problème. Okay. Moi, j'ai fait très belle snare. Oh, waouh. Oui, c'est les versions karaoké. Hein. C'est là. On peut la faire au micro. Ah non, c'est après, merde. Non, c'est là, non. On peut la faire au micro ou au tradi. Même si la grille d'un barbecue, mais c'est moins easy. On peut l'arroser avec de l'huile. Papier de terre au four. Il faut mettre du papier alu à l'extérieur. Il faut la piquer pour extraire la vapeur. Avec une raclette délicieuse, un bonheur. Il s'agit de la pomme au four. Wow. Il s'agit de la pomme au four. Et comment trouver le goût de la vie? Une petite pomme au four qu'on partage entre amis. Un petit peu de persil. Avec un peu, on peut mettre un peu de persil. Ah ouais, ouais. En Dordogne, ils font ça. J'adore ce jeu. Ah ouais, bah, tu mets un... Mais pourquoi je trouve tout points, hein. T'as déjà deux points, t'as déjà deux points. Mais comme d'habitude, parce que les femmes ton... sont dans la cuisine. Mais c'est oui. Pour ça. Pourtant, le, alors, coffee, le coffee shop. Oh, tu veux me faire chialer? tu vas peut-être chialer avec les paroles. Qui? Oh, ok, donc c'est. Qui peut me dire. Ah non, c'est non, après c'est encore. Après. Putain, à chaque fois. C'est là. Qui peut me dire qu'il peut m'apprendre à faire ce plat? Sur Marmiton, il y a plein de façons de servir ça. Dans chaque pays, la recette change ici et là. Le houmous. Une ratatouille, aubergine, pois chiche au Liban. La moussaka. Accompagné de riz pilaf. Pour la Turquie, en Égypte, il y a du bœuf haché, mais pas de béchamel. Ah non. La recette de la moussaka. C'est avec de la viande de mouton. Ah, mais oui, et c'est pas ça le refrain. Blanche. Mais oui. Bah oui, on reprend. La recette. Oh, t'as un cheveu en retard. Voilà. La plus connue. Nous vient de Grèce et ressemble à des lasagnes. Enfin moi je trouve, c'est que mon avis. Attention. Mais je ne sais pas, j'en mange pas. Mais c'est de la moussaka. 20 minutes de préparation pour 2h40 de cuisson. Mais je ne sais pas, j'en mange pas. Mais oui c'est la moussaka. Oh là là, quelle belle chanson, au demeurant. Comment ça, au demeurant? Tu trouves qu'on la gâche un peu? Ils ont que les paroles originales soient mes meufs plus. J'aime trop la moussaka. Ok, nouvelle chanson. Alors attention, Adrien remonte. Pour toi, ouais, Lou. Adrien peut encore gagner. C'est vrai. C'est Adrien vrai. Peut encore gagner. Gaël, ça devient dur. Ouais, je rame. Ça devient dur. Mais attention. Cet esprit de compétition. Oui, on est là pour s'amuser. Oh, arrête. Un poulet frites. Non. La pizza. Attention. La pizza. Vous pouvez tomber dessus. Ouais, ouais. Proposez quand vous avez. C'est un taco. C'est le taco. C'est le taco. Je ne suis pas un taco. Mieux. Malheureusement mieux que ce que je propose. Un taco. Je peux te manger seul. Oh wow. Pas besoin de plus pour combler ma faim. Même si on peut t'accompagner avec du pain. Du fromage. La fondue. Non. Je vais me brûler la langue. Mais je crois que ça me fait du bien. La sauce, c'est une sauce. Une sauce. Soupe. Allergique au lactose. Je vous conseille de passer votre chemin. Il y a de la crème, du beurre et une tomme fraîche de ce matin. Un gratin. Tartiflette. Je l'ai dit. Certains parlent de truffade et ça, ça me rend zinzin. Saucisse aligo. Oui. C'est quand même plus goûtu que de la purée. Avec une grosse saucisse pour l'accompagner. Il s'agit d'Aligo. C'est onctueux, c'est rural, c'est d'Aubrac. Il s'agit d'Aligo. Oui, je parle de ce bon plat que j'adore. Il s'agit d'Aligo. Aligo. Excusez-moi les gars, pardon, j'ai un coup de fil de Louis Garrel. J'allais dire ça. J'allais dire ça, genre l'attaché de presse de Louis Garrel. La semaine prochaine, l'attaché on l'a rechopé avec Balavoine. Le jeu des plats l'a convaincu. Non mais attends, je vais voir plus loin. L'Aligo, bon. Comment on supprime un podcast? Comment on se désabonne? Voilà, c'est bon. Il est trop bien ce jeu, putain. Garrel est remonté. Vous savez quoi? Le dernier est décisif. Ah ok. Je sais qu'on compte pas les points. Non mais il essaye de nous monter les uns contre les autres. Vous avez vu comment il est. On prend du plaisir, on s'en fout. J'essaie de mettre moi, un peu. Moi je m'en fous de perdre. Moi voilà. Je m'en fous. Oh là là. Alors attends. C'est. Non non. Saucisson à l'ail. Attends là. Avec le taco t'étais pas loin quand même sur la. Ah ouais mais là. C'est un plat traditionnel. Adoré. Couscous. Non. Acidulé, sucré, salé, épicé. Couscous. Taboulé. Il faut un wok et je parle de l'ustensile. Je ne suis pas Eric Zemmour. Eric Cantonais, Eric Cantonais. Ça se fait en Asie. Un baboon. Et un je bataille. Parle du. Ah, mon fils, oh, bataille, c'est oui. Non. Ah. Bien sûr, putain. Je suis pas Eric Zemmour. Allez, ça va être. Bah, il s'agit du bataille. Il s'agit. Mais je sais que c'est ce qui arrive et je suis content. C'est pas. Ah oui. Ça vient de Thaïlande. Des nouilles sautées. Des nouilles sautées. Il s'agit du bataille. Mon plat prêt, ma médaille. Wow. Moi je vais tout casser. Si vous le mangez avec une fourchette, oh. C'est pas dur les baguettes. Putain, le bataille. Je comprends pourquoi tout le monde t'appelle en tant qu'auteur. Y'a pas de secret, y'a pas de secret. Y'a une plume. ChatGPT pourrait pas faire ça. Ah non, on a qui viennent. Il s'agit du flot de Castres. Il faut savoir que moi aussi j'ai essayé d'avoir des messages de gens importants, okay. Pour toi de mon côté. D'accord. Heureusement, encore une fois, Théo m'a sauvé la mise. J'ai eu un petit message de ton père. Mais non. Si, si. Non, mais c'est. Rastafari Babylon, ESI, Maximum Positive Vibration. J'ai jardiné et j'ai bien procréé. Parce que je suis ton père, man. ESI, bon dem Babylon. Bon anniversaire, Florent. Que Jah Rastafari veille sur toi. Peace. Il a eu la gentillesse d'adresser un petit message à son fils. Ah, mais je reconnais tout. Putain. Je suis en âge. Très bien. Voilà. Bah, merci, putain. En plus, si c'est quelqu'un de pudique. Ouais, ouais. Là, qui passe ça, on a fait pas, plusieurs prises. Ah ouais, c'est pas n'importe on quoi. On a fait plusieurs prises. C'était plus timide au début. Et je lui ai dit, non, mais lâche-toi, man. Et là, bah, c'est vrai que c'est quand tu lui as dit, man, ça a débloqué un truc. Clairement. Et encore, il a fait un solo de DJ-Ridou qu'on n'a pas pu écouter, mais. Voilà. Ah la vache. Ah, bah, merci beaucoup. Non, voilà, un petit message de ton père. Ça me fait très plaisir. Il s'agit du flow de cast. Oli ne connaît pas du tout le flow de cast. Sans deck. Et je lui ai fait écouter sur un trajet. Le principe du podcast, je trouve ça déjà horrible, quoi. Quoi ? Mais pourquoi ? Non, mais... Parce que c'est la radio, c'est pareil. Il m'a dit mais... ça dans la voiture. Le mot podcast me déprime. Il dit ça lui ramène de la tristesse. Les gens qui écoutent des podcasts et tout, pour moi, c'est dur. Mais pourquoi ? Ça m'amène à un truc profondément chiant, quoi. Ça me ramène, j'ai l'impression d'écouter les leçons d'anglais là, tu sais, workbook. Ah, mais non, mais tu vois, c'est plus émission de radio. Émission de radio, ça parle plus. Émission de radio, ouais, j'aime bien. Energy Music Awards. 5, je crois. Voilà, donc la radio, vous aimez bien. Non, mais t'as fait un bon moment. C'est pareil, ils ont copié sur nous, donc. Ouais, mais. Oui, ouais. Mais... non. Mais ça, j'ai l'impression que tout le monde croit avoir inventé le podcast. Dès que je rencontre quelqu'un, ils disent. Mais non, bon moment, c'est filmé pour moi. Écoute, bah, c'est filmé. Ah, parce que... c'est le fait que ce soit uniquement sonore qui te. Qui mais te par déprime. Exemple, un bon moment, jamais je l'écouterai en podcast. J'aime les réactions vidéo, ah. Les petits jeux, les tu vois, les marades, voir les visages. Mais la radio, c'est bon. La radio, oui, après, je les pas. Vidéos, c'est bon. Mais non, le podcast, c'est mais, non. Mais non, mais tu me connais, frère, je regarde même pas de vidéos. Moi, je lui ai fait écouter. C'est la première fois que j'entends quelqu'un appeler l'autre frère, et c'est vraiment son frère. Mais ouais, frère. C'est vrai que ça marche pour de vrai. Je lui ai fait écouter genre 10 minutes. Au bout de 10 minutes, vraiment, il m'a regardé avec un regard effrayé. Il bah m'a dit, cool, en tout cas, bienvenue. Il m'a dit, il me dit frérot, ça fait 10 minutes, je n'ai pas compris un mot. Ah parce oui, que c'était ah un oui. Passage très animé. Vous savez, quand on part de blague en blague, oui. C'est ce qu'on adore, nous. Non, mais en fait, dit, ce qui est dur, ça peut être un peu. Oui. Non, mais ce qui est dur, c'est que vous, c'est comme des mecs qui se connaissent depuis longtemps, parce que j'imagine que vous avez un public très fidèle et super engagé. Ouais. Et du coup, il y a beaucoup de private jokes et de trucs que quand tu connais pas du tout. C'est vrai. Déjà, je connais pas le cinéma. Ouais. Je regarde quasiment pas YouTube et j'ai aucune connaissance. Ouais, bienvenue en tout cas. Tout ce qui est en anglais, c'est-à-dire stand-up, etc. Ouais. Pour moi, j'étais totalement paumé. Alors Flo, il s'amuse à grossir le trait, à me faire passer pour un abruti. C'est de l'amour. C'est de l'amour. Mais c'est surtout pour pas que je passe pour un connard. C'est surtout des blagues entre moi et Florent ou depuis, oui. Depuis des années à chaque fois qu'on se croise on s'insulte et on a aucun point commun et aucun. Ouais. Mais c'est vrai on va en trouver un. Mais oui, on va en trouver un. Je vois un logo du Wu-Tang là sur ton ordi oui mais c'est sur les Simpsons j'aime bien ça compte pas ça. J'aime bien In Da Club yes I Il s'agit du flow de cast. Il y a un jeu qu'on aime beaucoup ici qui s'appelle le imite ta réponse. Le concept est très simple. J'ai adoré ça. Le concept est très simple. On va poser des questions. C'est un peu la thérapie par imitation du docteur juif, évidemment. C'est-à-dire que je vais poser des questions très très simples. Mais il faut imiter la réponse. Enfin, voilà. La réponse est une personne. C'est une personne à chaque fois. Il faut donner la réponse en donnant la voix. Exemple qui n'est pas dans le jeu. Si je vous dis. C'est un président de la République. Tu l'as fait déjà là. Oui, tu l'as fait déjà. Tu le fais en posant la question là. C'est catastrophique ton jeu. Si je vous dis un président, je sais pas le faire, mais. C'est tellement nul. C'est trop gênant les imitations. Je suis là, Chirac. Non, voilà, le président qui a dit manger des pommes, vous devez faire. C'est Jacques Chirac. Je ne sais pas faire Jacques Chirac. Non, mais le but, c'est tout le concept. C'est Jacques Chirac. J'ai appris de toi. Après, c'est son putain de métier. J'apprends de toi. Ne me donnez rien parce qu'après, c'est une éponge. Hyper sensible. Alors, si je vous dis, il a chanté Mistral gagnant. D'accord, en fait je croyais qu'il. Ok, ça y est, j'ai compris. Donne-nous moins d'indices quand même. Là, on est allé droit dans le mille. Il s'appelle Renaud. Ah oui, mais parce que c'est un peu le concept. C'est-à-dire que normalement, t'as la réponse. En fait, comme tu réponds vite. Ton cerveau va plus vite que ta voix. Je commence facile. Ok, ah oui, d'accord. J'ai juste c'est et le nom, c'est Renaud. C'était Renaud. Par exemple, elle a chanté Je t'aime moi non plus. Jane Birkin. Non, si, ça marche. Non, ça marche. C'est Brigitte Bardot en fait. Oh. Ah, la première, c'est vrai que c'était ça. C'était ça. Alors, Brigitte Bardot. Bah, ça dit. C'est mes deux seules imitations pour de vrai. Chanteuse, actrice, dégueuleuse, elle a tout. Elle a tout, elle sait tout faire. Je vais pas dire ça. Attention. Il a chanté Je t'aime moi non plus. Gainsbourg. C'est Gainsbourg. Ma petite salope. C'est bien. Vous avez pas vu, mais il a bien mis sa clope au bon endroit. Ouais. Et en fait, c'est ça qui nous manquait tous. Non. Ah, que ça, c'est de. Salope. Grosse dégueulasse. Attention, il s'est fait connaître avec les petites annonces. C'est tellement nul. C'est Mickey Mouse. C'est Mickey Mouse qui a fait les petites annonces. Mélanie. C'est catastrophique. C'est bien le cerveau. Le cerveau n'est pas trop vite. Adrien a jeté son casque en l'air. Ouais, j'ai juste fait une petite voix de. C'est horrible. Mais ça m'énerve de pas l'avoir. Elise Boone, de quelqu'un là un peu Ouais. Oh là, c'est énorme. Oh, mon petit. Bah, il m'a tout mangé. Ah, c'est ça, si, c'était un peu ça, non? Parce que non. Je connais pas, en fait. Ah, okay. Ouais, je pensais que c'était un compliment, en fait. Non, tu sais, non mais attends, je, ça, en fait, j'ai eu le physique dans la tête. Bah, c'est Merki. Bon, bah voilà. Monsieur Patin, ah si, si, je l'ai un peu, je crois. Non, pas du tout. Il a osé dire je l'ai un peu. Avant que Kay l'a mieux, il l'a mieux, c'est ça. Non, mais les gars, il l'a mieux. Monsieur Patin. Non, mais en plus, là, Monsieur Patin. On imite un personnage de. Oui, bah, c'est plus. Bossa nova. Bossa, bossa. Je sais même pas un seul mot de ce qu'il a chanté. Attention, elle a chanté Sous le vent avec Garou. Céline Dion. Céline Dion. Oh oui, oui, oui, oui, si. Ah, si. Bah, plus les que vrais nous, fans bah, ne l'auront pas. Oui, enfin, bah. Quoi si, si, l'auront, si, si, justement, l'auront. C'est moi qui l'ai. Je suis tellement contente. Ah oui, oui. Que ça. À la Gérard, évidemment. Non, Gérard, ouais. Ouais, bien sûr. Ouais. Adrien, t'es avec nous. Je prends une petite photo. Le chien est avec nous. Je prends juste un selfie de moi-même. Il veut rien que manger. Ah oui, parce qu'on peut faire un selfie de quelqu'un d'autre, peut-être. Attention, il a chanté Sous le vent avec Céline Dion. Voilà. C'est Garou. Pas du tout. Ah, c'est un peu rock'n'roll. Johnny un peu. Garou. Pas du tout, non, encore une fois. Garou. Sous le vent. Oh, oui, c'est, ouais, wow, c'est pire, wow, c'est pire, wow, c'est pire. J'ai gagné. Moi, je sais faire que les femmes. Attention. J'adore ce jeu, j'adore ce jeu. Attention, il anime 50 minutes inside. Ouais, c'est Nico Saliaga. Ah oui, oui, bien sûr. Ah oui, bien sûr. Non, pas du tout. J'adore la photo. Oui, bien sûr. Il aime parce qu'il aime. Vous avez la photo, Pierre, t'as ta photo en noir et blanc? Il m'a fait une photo, mais qui sont vraiment jolies. Hein, franchement, la plupart du temps, c'est vraiment pas mal ce qu'il fait. Ouais. Ouais. Moi, et j'étais il est avec adorable. Pomme quand il est venu nous voir et il a parlé à Pomme. Et après, moi, il m'a dit on se connaît, non? Et j'ai dit non. Et il après, est parti. Il m'a dit il a vu en fait que c'était de la politesse et que j'étais pas connu du tout. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Qui paraît très fort à la baston. C'est une rumeur qu'on essaie. C'est vrai? On sait pas, on en a aucune idée. Il y a une rumeur comme quoi Nikos est un dieu de la baston. En tout cas, ah ouais, mais ça me rappelle quelque chose. Non, moi, une c'est, seule, non c'est vraiment une fausse rumeur. Moi, je pense qu'une seule personne nous l'a dit. Ah. Et j'ai décidé de tout baser là-dessus et de peut-être lancer moi-même cette c'est rumeur. C'est West France. Parce qu'en fait, quand la personne m'a dit ça, j'ai trouvé ça très crédible. Je pense que Nikos est très alors, fort à la baston. J'avais lu un article où il disait que, genre, quand il était enfant, il s'était fait tabasser par ses camarades de classe. Il était rentré genre en guenille chez lui, tu il vois, avait genre buté les son chien déchirés. Et c'est John Wick 2. Non, il était rentré en pleurs genre chez lui. Il avait dit à son père je me suis fait tabasser, et son père lui avait mis une claque genre t'es faible, tu pleures, pleures pas. Pas quoi. Bah ouais. Donc je me dis c'est ça peut être Montessori ça, non? Ça peut être l'origin story. L'origin story d'un mec extrêmement fort à la baston quoi. Il joue Brice de Nice. Je t'ai cassé, c'est genre il a juste lancé un je t'ai cassé mais vraiment genre. Moi je saurais pas pas. Moi je sais que faire son rire dans OSS, c'est tout. Parce que je devais le faire quand je jouais avec lui dans OSS, je devais imiter son rire un moment. Ah. Enfin je m'étais mis en tête en tout cas d'imiter son rire un moment. Personne te l'avait demandé. Ah oui, un peu tu vois. Bah là on se sent obligé du coup. Mais ouais. Parce que j'ai sous-entendu que je l'avais travaillé. C'est catastrophique ce moment. J'ai vu que t'avais regardé en l'air, genre et... il me croit ou pas? Non, et j'ai vu, ouais, surtout qu'après j'ai senti le petit flottement de. C'est marrant, c'est genre. On pourrait le reconnaître, ouais. Ah ouais, on pourrait le reconnaître. Si tu le faisais mieux, quoi. Non, c'était il y a longtemps, en plein de tournage. Non, non, non, mais il y a un truc, il y a un truc. Bon, c'est une catastrophe. J'étais persuadé de l'avoir, celui-là. Tu l'as peut-être paumé, tu sais, c'est pas... Je pense que... C'est drôle. T'as fait un drôle. Je pense que t'oses pas le faire comme sur le film. Ah oui, ah oui, non, voilà, c'est ça. C'est que j'osais pas le faire comme sur le film. Ok, vas-y maintenant. Non, mais là, j'ose toujours pas. Ok, je comprends. Attention, elle a fait le sketch de l'addition. Putain, très dur. Réalis et Moon, du coup, un petit peu. C'est Muriel Robin. Moon enrhumé. C'est Muriel Robin. Moi, je l'aurais un peu le même. Imité comme Pierre Palmade. Mais oui, c'est ça. Les années en fait, 90, c'est 80. Palmade aussi, quoi. Il écrivait l'addition, il a tout écrit. Robin, quoi. Muriel Robin. Ouais, pas mal, pas mal. Ton visage noir. Mais noir, non. Oui, bah tu me l'as dit, c'est Muriel Robin. On dirait un Sims. He's got a babo. Non, c'était un peu trop naziard. Moi, j'ai pas dit, je le fais super bien, quoi. J'ai pas dit ça, j'ai dit que je l'avais travaillé énormément pour un film. Alors que personne te l'avait demandé. Avec l'acteur lui-même. Une cata avec le mec à côté, avec qui je peux tout le temps lui demander, écouter sa voix et tout. Il y a aucune excuse, aucun échappatoire à cet échec. Du coup, tu l'as fait devant lui ou pas? Mais oui, je le faisais dans une scène. Et, si et lui, les gens qui ont vu le film, ils verront. Ouais, attends un petit peu. Mais bien sûr, vous êtes des bâtards. Pierre. Merci, Pauline. Pierre, le rire, Pierre. le rire. C'est à chier de crier Pierre, ça. Ouais, c'est ça a pas trop d'impact. Pierre. Pierrot, faut dire Pierrot. Pierre. Pierre. Pierre. Connais pas assez. Oh, tout est nul. elle était face à Emmanuel Macron au second tour. Je sens, putain, c'est bien. En fait, c'est Voldemort. Bah là, oui, c'est ça, j'allais dire. C'est son nom. Ah oui, si, je vois pourquoi. Non, mais attendez, excusez-moi là. Mais... c'est on est chez les fous là. Vous mentez. Là, je faisais... Ah, si. Vous mentez. Ah, pas mal. Il y a une piste, ça, mais on dirait quelqu'un d'autre, ça. On dirait la meuf du monde à l'envers. Ah oui, ah, un petit peu. J'ai ouais, j'ai ouais. Bien sûr. Ils sont partout, ouais, pas du tout. Ah, non, non, c'est dur. Voldemort, c'est je suis sûr. Voldemort, maintenant. C'est immonde. C'est immonde, ça. J'ai vu la mâchoire du monde. Ils sont dans les campagnes. Ils sont dans les frontières. Attention, elle a joué dans La femme d'à côté et Pédale douce. Ah, c'est Josiane Balasco, mais... Non, mais bah non, c'est Fanny Ardant. Ah, ouais, ouais, non, bah, désolé, je plaisantais, mon gars, aucune culture. Alors elle parle un peu comme... C'est... Pas du tout, ça c'est Mitterrand. non, mais elle a... Non, ah, oui. Moi, ça m'irrite c'est pas mal. Je fais n'importe quoi. Ouais, bah vraiment, on l'a attaqué, on l'a entendu, il n'y avait pas forcément besoin de mettre en... Est-ce que c'est vraiment trop... Je ne sais pas d'où vous dites que c'est... Ouais, c'est marrant. Je vous aime. Non, pas du tout. Ouais, pas mal. Peut-être que je vois pas la personne. C'est Fanny Ardant, c'est marrant. Bon, gars, trop bien fait. Attends, je me lance sur Fanny Ardant et ça risque d'être extrêmement, extrêmement si. Bien travaillé. C'est comme d'habitude. L'éponge, alors, regardez-le là. La putain d'éponge. Si seulement elle était là, je l'épongerais en une seconde. Je l'épongerais toute son âme. Oui, il y a quelque chose dans le regard de Nicolas. Oh là là. C'est Carla Bruni, tout simplement. Pour moi, c'est bien imité parce qu'en vrai, je ne sais pas du tout sa voix. Si, donc, si, pour si, moi, elle a un truc mais très non, elle a surtout. Vas-y, un... vas-y, Florent, à toi. Non. Vas-y, j'ai fait le jeu et tout. Oui, mais vas-y, okay, un petit peu. Ah, Nicolas. Ouais. Bravo. Mais c'est un peu mieux que nous déjà. Ah, non, mais qui est Nicolas Flair, c'est Nicolas, bon. Nicolas Bedos. Ah, c'est la belle époque. D'accord. Ah, bravo. Non, voilà, c'est bon. Ah, mais c'était pas si mal. Je sais pas ce que t'as imité là, mais c'est autre chose. Ah, c'est Jar Jar Binks. Gollum un peu, mais. Gollum, mais relax, quoi. Ah, mon précieux. Mon précieux. Une soirée avec Gollum. Ouais, c'est bon. Soirée chill. Oui, bah ça reste mon précieux, mais il faut savoir aussi mettre des choses de côté. J'ai tourné la page, c'était mon précieux. On peut prêter, on peut prêter. Ça a permis de passer à autre chose. Vous voulez manger un petit peu? Vous voulez manger une pause? Pizza, quelqu'un veut de bière? Soirée Gollum. Fanny Gollum, finalement, c'est un mix. C'est un président avec une bibliothèque à son nom? Oh là là, il est remonté. C'était pour moi. C'était pour moi, c'était pour moi. Ah. C'est François Mitterrand. Ah. Oui, oui, non, mais. Non, mais je le fais quand même, la version un peu. Ouais. Cool, encore, relax. Ouais, ouais, il est avec Gollum. Il a été invité par Gollum. Hein. Oui, c'est, il me semblait qu'il m'a dit que c'était son précieux, oui, oui. J'ai absolument pas Mitterrand. Oui, je l'ai prévenu que c'était mon précieux. Hein. J'en ai pas pris ombrage. Vous avez tout à fait raison. Monsieur Gollum. Monsieur Smeagol. Ardant. Smeagol, oui, il connaît son place. Il a créé les Restos du Cœur. Eh, hey, c'est Tony. Mon rep, malheureusement. Quand c'est comme Mitterrand, un peu connu. Non, mais gars, il nous fait un timbre Mitterrand à chaque fois. Fanny Ardant. Mais non, mais gars, il s'en s'enfiler là. Moi, tout est travaillé, moi. Pardon, monsieur, je passe des heures à me faire rire. Ah, si. Putain. Vas-y, monsieur. Enfoiré, c'est Coluche. Ah, c'est pas mal. Heureusement que t'as dit que c'est Coluche à la fin. Oui, c'est le but du jeu de dire le nom, la réponse en fait. Oui, ça va. Mais moi, une tarte directement. Attends, c'est quoi qui dit ça? Mais il fait avec son doigt. Il fait ça avec son doigt, là. Histoire d'un mec. C'est. Ah, Daya! Ouais, je l'ai pas. C'est Manu Payet! Apparemment! C'est marrant! Il a dit je l'ai pas en même temps qu'il faisait l'imitation. Non, mais c'est fou. Il s'agit du flow de cast. Et ensuite, bah, du coup, on a co-réalisé ensemble Stéphane, un film. Avec Lucas. Qui sort on ne sait quand, mais là, on va faire une année de festival. Trop bien. Avec ce film. On a eu un prix déjà, on est super content, c'est incroyable. Mad Movies, c'est ça, non? Ouais, Mad Movies au PIF. Trop cool. Non, pas au PIF, je pense qu'ils ont. Non, Adrien! Non, bon, pardon. Putain, non, okay, c'est okay. Ouf! Non, ok. La moustache sur le PIF? Bon. C'était barbe. T'arrêtes avec c'était ça. Barbe. Non, non. J'avais dit barbe. Pas te raser ouais. Le nez. Ok. Abruti. Et donc voilà, on a fait ça cet été. Donc vous avez tourné un film quand même. Ouais, voilà. On a tourné un film de genre. Une sorte de comédie de genre. Okay. Et on est très contents, on est en plein mix là. Trop et bien. Voilà, ça sortira un jour. Mais on est dans une bulle, hein. Ça se trouve, c'est une foirade complète. Hein. Non, arrête. J'ai trop hâte de le voir en tout cas. Du peu que j'en ai entendu, j'ai trop hâte de le voir. Vous avez donc co-réalisé et co-écrit oui. Les deux. Et Lucas joue le rôle principal. Oh là là. Oui. Avec Bastien Garcia. Oui. Ah, magnifique. Et Eva Grigoriev. Oui. Et il Hélène a dessiné l'affiche du film. Ah ouais. Quoi. J'ai inventé un truc. Ah ok. Sinon moi je jouerais aussi dans le film Scène de ménage, je jouerais Huguette. Voilà. Je l'ai dit nulle part, c'est une exclu. Waouh. Trop bien. Tu peux peut-être me faire un petit extrait de comment tu joues. Ouais. Bonjour Huguette, okay. Ça va? J'ai pas encore le texte, mais. Bah, on au niveau de la voix, quoi. Bonjour Huguette, ça va? Bah oui! Ah ouais, ok, putain, tu vois? Et bien, oh, t'es chiant, Raymond! Par exemple. Là, là. Ouais, oui, non, t'es ouais. Vraiment une teigne avec moi. Hein. Ouais, non, mais. Excès de toupet! C'est la réplique qui revient 2-3 fois dans le. Excès de toupet, Raymond! Excès de toupet! Bref. Là, j'en dévoile peut-être beaucoup de l'intrigue. Non, ça va. Je vais peut-être me taire. M6 va me taper sur les doigts. C'est la punchline un peu du film. Oui, excès de toupet. Non, mais elle est bien. Il y aura des t-shirts. Et c'est même sur l'affiche, c'est le sous-titre. Excès de toupet, putain. Est-ce qu'il y a un gag où à un moment il y a quelqu'un qui. Il met une perruque et elle dit excès de toupet par rapport au toupet, la perruque ou ils ont pas prévu ce gag? Peut-être, écoute. D'accord, non, je sais pas. C'est vrai qu'il n'y avait pas. Non, mais on est encore en écriture, donc on prend en fait. Oui, je voulais préciser, je sais pas si je l'ai précisé, je ne remplace pas Huguette dans le film Scène de ménage, je joue Huguette jeune. Ah oui, bah, et tu la joues avec la voix de vieille pourtant. Il s'agit du flow de cast. Dans le documentaire, ça parle du coup, bah, c'est ce qu'on disait là, un peu des démos rejetés, des chansons qui vont pas au bout. Et je vous propose un petit jeu, alors qui n'est pas un jeu de moi, hein, qui est un jeu d'Adrien Méniel. Je suis navré. C'est vraiment, donc, c'était pour dépanner Flo hier. Ouais, je me suis dit, ouais, j'étais dans la mouise et il est venu m'aider, ce qui est quand même très sympa de sa part. Je vais vous donner, alors, je vais vous donner des titres de. Alors, moi, je pense qu'il vaut mieux pas. Enfin, vas-y, fais-le comme non, tu veux. Non, non, je vais vous donner. En gros, on va vous faire écouter des démos, des oui, débuts voilà. De démos. D'accord, des débuts. On va les couper assez tôt parce que dès qu'il y a la voix, vous allez savoir si c'est des vraies ou des fausses. Parce que c'est ça le but du jeu, c'est de deviner si c'est des vraies démos ou des démos créées par Adrien Méniel. Par avec moi, de chansons qui parlent du jeu Donkey Kong Country. Voilà. C'est soit une vraie maquette d'artiste qui a pas été sur l'album, soit c'est voilà. Une chanson que j'ai fait hier et qui parle de Donkey Kong Country. Quoi. C'est ça. En donc. Vrai, je pense que même sans les paroles, vous allez comprendre, voir tout de suite que bah oui, c'est toi qui as fait ça chez toi. Est-ce qu'à votre avis, c'est une démo qui existe ou est-ce qu'elle a été créée par Damien et elle parle donc du jeu vidéo Donkey Kong Country sur Super Nintendo 64 sur. Je pense qu'elle existe. Ouais. Ça existe ça. Ça pourrait c'est être le qui monde de l'eau, sinon. Dans... ça pourrait être. Toutes les bananes. Par les méchants appelés Kremlins. Le mot Kremlins. Kremlins est copié sur Gremlins. Si vous voulez mon avis. Donc ça a été créé. Ça, tu m'as eu avec la petite ambiance. Ouais, moi j'ai cru. 80s. Wow. Ok, je vous en fais écouter une autre. Ah oh non, trop c'est d'effet. Trop produit. Ah, trop produit. C'est. C'est une vraie. XXXTentacion, c'est une vraie, non. Il va écouter. C'est vexé, une. Vexé, mais c'est vrai. C'est une vraie. C'est une vraie. Ça s'appelle Bad Company et c'est une chanson de Billie Eilish. Ok. Okay. Donc il a étrangement la même voix qu'Adrien. C'est vrai. Ouais. Et qui ne serait pas en train de parler de Donkey Kong Country. Peut-être. Connaissant Billy. Je mens sur Arino. And it's based on the Gremlins. Wow. Attention, nouveau son. Un peu Monsieur Oiseau. Ah. Elles ne vivent pas dans le même monde que nous. Alors, votre avis, c'est une vraie démo. Allez, non mais laissez-moi parler, enfin, je vais vous jeter un tonneau sur la tête. À tout moment je peux chevaucher un rhinocéros, voilà, pour récolter un maximum de bananes, mais c'est ça la réalité. Je suis un gorille. Ah oui, c'est genre vous êtes des animaux, mais... Hein. Mais c'est une création d'Adrien. Je suis extrêmement fier de toi. Putain. C'est trop le... Putain, c'est bon. Je vais mettre en contact avec ma belle-mère. Ouais, ça, attends, je suis producteur, ça y est. C'est fou. Parler, je sais, je vais vous jeter un peu ça. Oh, c'est trop marrant. Attention, nouveau son. Ça, ça peut être les deux, mais. Je... Allez, ah, démo, vraie démo. Adrien pour Clem. Donc là, il y a un peu la scission entre les deux frères. Là, tu vas récolter les lettres. Ouais, dès que c'est très composé, j'ai l'impression que. C'est Michael Jackson. Ouais. Hot Streets de Michael Jackson. Donc je suis Quincy Jones en fait pour toi. Ouais, c'est clair. Dès que c'est un peu trop arrangé je pense. En fait, je connais vraiment pas tout ce qui est notes et tout. Donc, dès qu'il y a une mélodie, c'est je suis très déçu de moi-même. Je voulais être sympa avec toi. Non, mais attends, moi déjà, je vous ai eu sur deux compos. Je suis déjà refait quoi. Celle-ci. Il y a du sample. On est plus sur du hip-hop. Allez, Adrien. Ça ressemble pas à son style, je pense. Démo, vraie démo. C'est une vraie démo. C'est une très vieille chanson de Eminem. Public Enemy. Ah, d'Eminem. Wow. C'est Eminem qui avait un autre flow au début. Ok, vas-y, je veux bien écouter ça. Ah ouais. Très à l'ancienne. Ça arrive, hein. Wow, du Beastie Boys. Wow. C'est ça. Voilà, Eminem en 1995. Ah ouais, Bitter LL Phobia. Cool J. Ouais, très ça. Ouais. Très à l'ancienne. J'ai envie de rapper comme ça. J'ai jamais entendu ce morceau. Non, mais il y en a pas mal. Il y en avait une autre que j'ai pas mis parce qu'elle était vraiment grillée, encore plus grillée, mais qui s'appelle Poo Butt, donc okay. Le caca des fesses. Qui, c'est pas Poo Butt Day. C'est Poo Up Day. Le jour du caca des fesses. Voilà, c'est ça. Donc, Oh, c'était avant Stan, hein. C'était une autre ambiance. J'en ai encore un pour vous. Okay. Vous devez deviner de qui il s'agit. Adrien. Il a reconnu en deux notes. Ouais, je reconnais sa touche, ça y est. Quincy Jones. Ça pourrait être aussi Beyoncé. Ouais. Il y a un petit côté aussi Beyoncé. Hein, mais... je me permets d'avancer un peu, Adrien. Ça arrive. Hein. Bon, laissez-vous. Donc, du coup, la surprise. Laissez-vous emporter. Vous êtes dans la jungle. Donkey Kong n'est pas tout seul, il est accompagné par Diddy Kong. Qui a le même nom de famille, mais pas lien de parenté. Sérieux? Quand on y pense, c'est une coïncidence incroyable. La chance pour que deux gorilles au même nom de famille se rencontrent, c'est de l'ordre de 2-3% maximum. Et encore je suis sympa. Bon après voilà, zéro pression. J'aurais bien aimé mais... que tu le fasses partir. Les Kong. Non bah c'est des maquettes. Après je peux là je peux sortir un EP. C'est des démos. À tout moment voilà. Ça serait ça peut cool être qu'ils ressortent. Mais attends, Donkey Kong Country, c'est Donkey Kong de base. Il y a Country derrière sur Nintendo. Bah, sur Super NES, c'est Donkey Kong ouais, Country. Ah ouais, ok, d'accord. Direct. Donkey Kong Country. Ok. Moi je me souviens, mais sur Super Nintendo, c'était déjà Donkey Kong Country. Oui c'est ça. Ok, c'est le jeu qu'on a tous joué là. Ouais, en 3D pré-rendu. Ou genre au premier niveau, tu repars à gauche et il y a un monde bonus. C'est ça. Exactement. Okay. Et après, ils avaient fait, je sais pas si vous vous souvenez, c'était plus ma génération ça, mais c'était une émission sur France 2 le matin, ouais, présentée par Donkey Kong, qui était et qui parlait à des vrai. Humains. Enfin, c'était un mélange comme Roger Rabbit de prise de vue réelle et de Donkey Kong. Putain. C'est vrai, j'avais forget. Putain, il a eu tant de carrières. Mais il est derrière deux, enfin, c'est lui et Bill du Big Deal. C'est les deux quand c'était le début de la 3D à la télé. Ça et la meuf qui présentait le truc des jeux vidéo sur Canal. Ah oui, j'étais Cléo. Cléo. J'aimais bien. Quand j'étais C'est mes premiers émois quand j'étais gamin. Enfin, moi, c'est Donkey Kong. Il s'agit du flow de cast. Peter, tu peux te racheter sur celui-là. On peut faire un kit ou double, j'ai envie de dire. C'est le super banco. Si je te dis, j'ai fait imprimer un dossier d'adoption à la mairie pour faire croire à ma sœur / mon frère qu'elle était ou qu'il était adopté. J'ai pas dit précisément frère ou sœur pour que ça puisse concerner un peu tout le monde autour de la table. Ça c'est toi, ça chérie. D'où bah parce que t'es pas lit. Bah parce que t'es pas sorti du lot encore. Mais c'est vrai, mais peut-être que j'en ai pas, c'est possible aussi. C'est possible. Alors moi, ma sœur est adoptée, donc c'est pas moi. Ah putain, il gagne. T'as des frères et sœurs, Doudou? Oui. Non, tout le monde en a autour de la table. Ces anecdotes, c'est d'où lit en fait. J'ai planté un gars, ouais, c'est moi. Peter, tu peux gagner un cadeau sur ce choix, à ton avis. Sera ton seul point, Peter. C'est un prank assez élaboré, quand même. C'est un prank assez élaboré, faut se donner à fond. C'est d'ailleurs peut-être Greg Guillotin qui l'a fait. Non, c'est pas fait. Moi, je dirais toi, Loulou. Excuse-moi ? Ouais. Ah bah peut-être. Il y a un côté un peu auteur, tu es un peu scénariste. T'as des frères et sœurs, toi, Baptiste ? J'ai une sœur, ouais. On a tous des frères ou des sœurs. Mm-hmm. On a envie de t'aider. Non, mais toi, t'as dit tout de suite, t'as des frères et sœurs, Doudou ? Là, t'as essayé de refoutre le. Non, dis donc, on siffle au milieu des phrases, c'est bon. J'ai 42 ans, en fait, j'ai le droit de siffler au milieu des phrases, j'ai le droit de remplacer les mots par des sifflements, même. Ah, le mec, il était. Laisse tomber, hein. J'ai le droit de faire ça, donc. Il se sert de l'eau, genre. J'ai soif, peut-être que c'est moi, je suis loup-garou. Tu sauves un vieux ou quoi? Bon. Moi, si c'est à lui de deviner, c'est à lui de poser des questions. Regarde, c'est à lui de deviner. J'ai un mec, Peter, il gagne 100 points. Peter, il y a un beau cadeau à gagner. Que te dit ton intuition, Peter? La première, c'était toi. Ok. Je trouve que c'est Baptiste. Tu dirais moi? Ouais. C'est une erreur, Peter. Oh non! C'est bête, tu as fait 0 point, Peter. Putain, c'est vrai que Baptiste, il a vraiment des phrases de mauvais. C'est mon objectif, là. 0 point. 0 pointé. 0 pointé. C'est clair, en fait. Terrible, zéro, Peter. Mais non. Là où j'en suis, c'est mon but maintenant. Et pour ça, d'ailleurs, on va t'offrir un cadeau. Bah oui, mais pour te répondre, il s'agit de Baptiste Le Capin. Bah oui, bien sûr. Une ordure. Oh, je suis un enculé. Non, mais si oui. Non, mais quand tu t'embrouilles avec ta soeur, elle a 4 ans de moins que moi. Je dis, de toute façon, t'as été adopté. Elle dit, mais ça, c'est une légende. Ah ouais? Une légende, donc déjà, il y avait une rumeur là-dessus dans la famille. Non, mais c'est que j'ai vraiment. Je le raconte, mais ouais, c'est bon, vraiment. Pas, okay. Je lui ai vraiment martelé. De toute façon, t'as été adopté. Et ma mère, et en plus, je faisais un truc vraiment très pervers. Bah, ta et, mère a corrigé le. Et non, et ma mère a. De toute façon, Justine a été adoptée. Adoptée, et eux, c'est ta sœur, regarde, mais. Non, mais ma mère disait, mais arrête avec ça, oh là là, c'est faux, machin. Je lui ai mais tu t'as pas remarqué. Tu coupes les cheveux en 4. Je disais à ma sœur, mais t'as pas remarqué qu'elle dit non très vite, c'est parce qu'elle veut pas t'en parler, mais c'est parce que c'est vrai. Elle dit, ouais, prouve-le. Ah ouais? Et c'est horrible ce que j'ai fait. J'ai été au CDI de mon collège, j'ai ouvert un document Word, j'ai écrit service d'adoption, et j'ai pris 2 feuilles A4, j'ai écrit, j'ai inventé un nom de famille, des Justine. Mesquin. On a gardé le prénom, mais c'était Justine Muguet. Oh, le roi de l'impro! On était au mois de mai, donc, c'est venu comme non, ça. Mais il n'y avait pas d'imprimante. Et le seul endroit où il y avait une imprimante, c'était à la bibliothèque de la ville. Et donc, je vais voir la bibliothèque qui était fermée le mardi. Attention, il faut retenir ça. Hein. Et je dis, vous pouvez imprimer ça? Je donne une disquette. Et la dame, elle voit ça, elle fait, c'est un dossier d'adoption, qu'est-ce que c'est? Je fais, non, mais c'est pour faire chez ma sœur. Oui, non, c'est pas très sympa. Hey, tu ne dis pas ce que j'ai à faire, ok? Je fais, donc tu l'imprimes, d'accord? Vous avez Madame Bovary? Non, il est tout le temps pris. Bon, ok, bah faites ça. Et donc, elle imprime le truc et je prends le tampon de la bibliothèque et je fais tac, tac, tac. Je mets des tampons aux quatre coins. Et je me souviens, je mets bébé retrouvé, poubelle Saint-Malo. Poids bébé 1,8 kg. Je fais, t'étais maigre, ok? C'est pour ça qu'on t'a sauvé, ok? Et donc, je fais, ah ouais? Et ça, c'est quoi? Elle fait, ça, mais j'ai vraiment été adopté. Oh. T'as laissé combien de temps le truc? Non, ça a duré. Je me suis pris une mandale dans la gueule. Hein, ouais. Évidemment. Mon père m'a dit, tiens, viens là, il n'y avait pas de hashtag à l'époque. Et après, je lui dis à mon père, ouais, je vais appeler SOS Enfants Battus. Et il y avait ce numéro, tu sais, je vais appeler SOS Enfants Battus. T'as imprimé un. Non, j'étais dans une cabine téléphonique, je dis, ouais, mon père m'a mis une claque. Ah, tu l'as fait ? Moi, je l'avais fait. Oui, mais t'es vraiment une poucave, en fait. Oui, bon. Ouais, j'ai une année, je voulais qu'on me remarque. On a un vieux cramé là, sur les bras, donc. Je voulais qu'on remarque, j'avais postulé pour être dans le groupe Kyo, ils avaient dit non, donc j'étais un peu... mais j'ai vraiment imprimé deux feuilles A4 nulles, et avec des tampons de la bibliothèque comme ça, je dis, tu vois, c'est un document officiel. J'ai écrit bibliothèque de Saint-Malo, les documents officiels. Retrouvé dans poubelle Saint-Malo. Tu sais, j'ai abrégé parce que dans les films américains, je voyais qu'ils abrégeaient les dossiers. Tu sais, ils n'ont pas le temps. Tac, tac, tac, tac, tac. Peter, en parlant d'abréger. Peter, je suis désolé, tu as fait 0 point. Mais quand même, ici, il n'y a pas de perdant. Il n'y a que des gagnants. Tu vas gagner un superbe t-shirt collector et pas n'importe lequel. C'est un t-shirt qu'on a confectionné nous-mêmes. Sur ce t-shirt, Adrien, est-ce que tu peux voir jusque-là ? Est-ce que tu as 10 sur 10 aux deux yeux ? On va voir. Voilà. Attention, ce t-shirt appartient à une personne complètement allumée qui écoute, attends, tu peux tourner plus vers moi, qui écoute le Floodcast, que ça vous plaise ou non, et qui adore tout simplement s'éclater. Une personne qui aime faire de l'ordi, c'est un zèbre, sa personnalité est top. Ouais, sa personnalité est top. Bref, une personne pas comme les autres, oui, elle a gagné ce t-shirt. Il y en a très peu dans le monde. Putain. Il s'agit du Floodcast. Non, Hot Ones Sex qui. Hot Ones, c'est Can qui. Hot Ones Sex. J'ai un piment dans la chatte. Oh non. Oh là là, quelle mauvaise idée. J'ai une gentille myrtille sous le prépuce. Oh. Oh là là. Oh, l'apocalypse dans le cul, non. Oh non! J'ai gentil myrtille dans le prépuce! L'été 82 qui fait mal! La coco bongo, non! Oh, mets-moi de la chantilly dans le cul! Oh, mais! Allez, vite, dépêche-toi! Je sais pas. Franchement, je sais pas. Non. Gentil myrtille, on arrête la pub, voilà. Ah ouais, on arrête l'humilité. Si non, mais je sais pas. J'ai le droit de me remettre en question quand même. Non mais c'est beau. Chantilly dans le cul, je me suis dit bon. Est-ce que t'es pas ce que tu détestes ? Est-ce que tu vaux tellement mieux que ce que tu méprises ? C'est ça que je me suis dit. Oh non, c'était bien, c'était bien, Adrien. Bon, okay. Mais nous on t'encourage. Mais je crois que c'est une vraie bonne question et je crois que oui, on est devenu ce qu'on. Oui, on donnait des leçons à Bruno Robles. Mais non, ouais, c'est Bigard pas dirait ça, je dirais oh là là, oh le lourd. Chantilly dans le cul, voilà, c'est mon humour apparemment. Je sais pas à quoi je prétends, genre non, mais quand même, moi je suis assez pointu sur l'humour. Non. Non. Je trouve ça super beau. En vrai, je trouve ça magnifique. Non, c'est un beau moment de podcast là. C'est une vraie leçon de vie sur. Bah non, vous croyez quoi? Mais non, je suis juste un homme. Ouais, c'est tout. D'un moment à l'autre, ouais, ça tous détruit le cul. Voilà, bon bah quoi, allez, merde. On peut perdre l'estime des gens qui tient rien. Hein, qui tient un fil et puis bah. Je suis catalogué. T'as avec tes gros ciseaux ouais, là. Ouais, ouais. Allez, ça y est. Oui, le mec qui fait chantilly dans le cul là, ouais. super drôle ce gars. Ouais. Allez. Il s'agit du Floodcast. Patrick Sébastien a sorti un album qui s'appelle Copie Conforme. Où il a écrit un nombre, il y a oui. beaucoup, je sais pas combien, mais beaucoup parlé de chansons. La dernière fois. Il a écrit des chansons à la manière de grands chanteurs français et il les a interprétées à leur manière aussi. Et ça va être tout simplement un jeu où il va falloir deviner. Alors, j'ai établi des règles. Ah. Je vais vous dire d'abord le titre. Ok. Si vous trouvez juste avec le titre, c'est 3 points. Est-ce que je peux ajouter une règle à ta règle ? Je peux te mettre une patate, mais vas-y. Peut-être on en propose qu'un seul, parce que sinon on va dire tous les chanteurs connus et on va peut-être gâcher un peu le jeu en tombant par hasard ou en non. Tu n'as pas peur de ça ? Ah oui, non, je propose qu'un seul. Voilà, je dis le titre et vous. Très bien. Ah oui, bien sûr. Je voulais être sûr non, de mais ça. Je dis le titre, vous faites vos propositions. Très je bien. Lance la musique. Et on doit deviner après. Une fois que la musique est lancée, tant qu'il n'y a pas les paroles, si vous devinez, c'est 2 points. Ok, d'accord, très bien. Et si vous devinez une fois qu'il chante, c'est 1 point. Ok, pas mal. Okay, sachant que je ne vais pas compter les points. De okay. Pas de soucis. C'est, voilà. C'est juste pour le panache. Ouais, ok, mais ça me va. Alors, juste petite parenthèse, il y en a vraiment beaucoup. Je les fais toutes et tu monteras après. Bien sûr. Oui, okay. Avec plaisir. Allez. Alors, première chanson, ma petite fan aux cheveux blonds. Du Balavoine. Ah, c'est une okay. réponse. Ah, c'est une réponse chacun. Non, c'est une réponse pour, chacun. Pour le titre, après oui, t'as le droit de reproposer. Bien sûr. Alors, la petite. Ah non, je peux pas annuler. Tu peux changer. C'est Cabrel. Cabrel. Ah, j'allais dire Cabrel aussi. Mais vous pouvez le donner. Écoute, on a le droit. Ok, alors Cabrel. Vous dites Cabrel. Ok, on lance la chanson. Vous pouvez changer de réponse si vous pensez que c'est pas Cabrel. C'est pas... Et gagner 2 points avant que ça chante. Ah. Comment ça? Oh, quasiment, quasiment. Ah oh, oui, oui, oui. Je oui, t'accorde oui, les 2 points. Ah, ça fait plaisir. Il imite aussi bien que toute autre personne qui imite Claude François. Alors, on continue. C'est fou ce titre, copie conforme. Oui, oui, oh, il y a. C'est pas juste. Ouais, bon, bref, pardon. Ouais. Vas-y, à ouais, la manière de. Non, non, copie non, conforme. Copie quoi ? Une photocopie. Je vous mets au défi de faire la différence. Tout simplement. C'était le titre à la base. Fait, c'est long, Patrick. Je vous mets au défi de faire la différence avec le vrai. Alors, Saltimbanque avec un S. Oh. C'est quelle année, pardon ? Il a sorti ça en 2003. 2003. Ouais. Ah oui. Moi, ouais, je pense que c'est que oui, des vieux. Il n'y a, ouais, a pas de Joule. Non, non, mais c'est ça. Il n'y a pas 13 blocs. C'est si pas vous dites, ça peut donner un indice. C'est pas la requête à nous. Non. Je dirais Brassens. Brassens, allez, il faut que ça aille vite. Bah, j'en sais rien. Bruel, Patrick, pour dire allez, un nom. Je lance. C'est pas Brassens. Non, non. Vous pouvez faire une autre le proposition. Musicien s'endort la tête. L'aide de violon. Je l'ai même pas. Le magicien s'endort le cœur. Sardou ? Non. La dilution. Je l'ai pas. Il se voit beau, le funambule. Non. Si, la voix me dit quelque chose, mais. Majuscule. J'ai oublié le nom du gars. Ses chansons mèneront Thomas. Je peux vous donner un indice ? Ah, ah oui, bah ouais, ouais. Il y a eu un mème basé sur le nom de ce chanteur. Se voit monter. Quoi coupé ? C'est ça. C'est ça. En tout cas, c'est un quoi coupé banger. Ouais, ouais, bien sûr. Oh, là, ouais. Ah, je l'ai pas. Lama. Serge Lama. Ah, oui. Eh, pas mal. Copie pas conforme. Mal. Hein, ouais, copie conforme. Une copie conforme. Ok, j'adore. Allez, voilà, celui-là, il y a moyen de trouver avec le titre. Okay. Les années bonheur. Il s'imite lui-même. Non, Joe Dassin. Joe Dassin, toi, tu dis quoi? J'en sais rien, Carlos, mais je sais que c'est un très bon jeu. Hein, j'aime beaucoup. Ouais. Oh putain. Ouais. Ah non, Delpech. Non. Tu changes ta réponse? Ah, ah non, c'est Dassin, c'est Joe Dassin. Ah putain, je connais pas assez Joe Dassin. Ça ressemblait un peu au début de Loir-et-Cher. Attention, je précise la règle, si vous changez votre réponse, la réponse est changée. Ah non. Clair. Non mais si tu me mais dis putain, alors on compte pas les points, ça me rend fou. Non non mais de toute façon tu gagnes pour le moment, j'ai rien dit moi. Là je l'ai pas compté, c'est la blague. Si tu me dis Joe Dassin qu'après ça commence et tu me dis ah non Delpech, ta réponse c'est Delpech. OK. Attention, mais on compte pas les points donc tout va bien moi, tu de toute façon tu gagnes pour le moment, quoi qu'il en soit. Alors mais ça ressemblait un peu au début du Loir-et-Cher, c'est pour ça que j'ai cru. Eh oui, mais attention. Au secours, l'amour. Oh là là, bah, Bruel. Là. Bruel. Au secours, l'amour. Attends, faut l'imaginer avec la voix de Bruel un peu. C'est un peu. Bah, de... ouais, vas-y, Bruel, Bruel. Bruel, Bruel, allez, on y va. Celui-là, je l'ai... moi, quand j'ai fait ce jeu, j'ai pas trouvé. Alors que t'avais le titre. Non, non, mais il y a pas les. Il y a pas les chanteurs sur Spotify. Ah, ah, faut le deviner. Ah ouais. Moi j'ai fait mes petites. Mars 2003. Quoi? Saleté de printemps. Printemps, c'est Jacques Brel? Non, c'est non. Fernandel. André Fernandel. L'huile d'olive que j'ai. Oh, mais j'ai le goût. Oh, donne-moi l'huile. L'huile. L'huile. Oh, j'adore l'huile. Sur mon vélo. Sur mon vélo. Je transporte l'huile, des caisses d'huile. Je les mets dans les bonnes pâtes, Panzer. Oh, j'adore l'huile. Oh, de l'huile dans les pâtes. Oh, regarde-moi oh, toute la famille de Fernandel. Oh, qui les écoute. Okay. Oh, qu'est-ce qu'on aime l'huile. Oh. Donc, c'est pas. Oh. Et alors, ça mais parle non, du 11 septembre, je crois. Oh. Avec un accent du c'est, sud. C'est un peu ça. Son Manhattan God Kaboul. God bless America. And. America bless qui elle veut quand elle veut. La raison du plus fort. Non, mais à un moment, il dit genre. Genre. Bon, je vais. Attends, je vais. Super production. Qui a un accent du sud comme ça? Si c'est Cabrel, c'est raté, hein. Non, il y a un Cabrel raté après, mais. Ah oui, oui. Oh, j'ai hâte. Tom, comme la case de l'oncle. Mais. Attends, quoi? Indienne. Bon, là. On bipera. Aux yeux, l'illusion, le tour de passe-passe, George W. Copperfield, mais là. George W. Copperfield. C'est devenu Jean-Michel Apathy. J'accepte. Un point. Je crois que c'est là où il va dire. Attention. Mais de quoi parle-t-il? Et pendant ce temps-là. Attends, c'est plus la même voix. C'est Brel. Là, c'est d'un coup. Il y a deux coups jumelles. Le monde se tourne. C'est plus la même voix, tout simplement. Non, là, c'est vraiment devenu un espèce de Brel. Attention. Et pendant ce temps-là, Tommy l'américain et Kenza l'irakienne. Ah oui. S'embrasse à pleine bouche. C'est Manhattan Kaboul. Ça, c'est Aznavour. Moi, je vous le dis. Je vous le dis. C'était qui, je ne l'ai pas. C'est Léo Ferré. Ah quoi oui, si, si, oui. Quoi, si. Non, arrête. Si, si, ok, si. Alors. Ferré ne parle pas comme ça. Et puis, il change, je le vois, apparemment. Au bout d'un moment. Il dit, bon, allez, stop. Chanson suivante. Bien sûr. Paradise Bar. Oh, c'est Gainsbourg. Gainsbourg, Gainsbourg. Je dirais Serge Gainsbourg. Petit sax déjà, qu'on aime bien. Ah ou alors, putain, comment il s'appelle Nougaro. Ouais, si, si, si. Moi, je dirais Gainsbourg. Ah ouais, ah ouais, ouais. T'es à l'aise ou pas, Florent? Bon, ça va, ah, ça va bien. Okay. Attends, je vais écouter là. Ouais, ça parle de cul. Ah oui. Ah oui. Le cul. En toutes les limites. Il fait que rire si. En fait. Non mais effectivement, parce qu'il essaie de faire les instrus aussi. Oui oui, bah bien sûr. Non mais dans la enfin, prod c'est pas lui qui l'a fait, c'est bossé. Non, non, c'est... il a un petit GarageBand. Il l'a fait sur GarageBand, hein, je crois. GarageBand. La suivante, c'est les violons de l'amour. Alors attends, les violons de l'amour. Oh bah, Bruel, Jacques. Ah ah oui, ah oui, bah oui, Jacques Bruel. Jacques Brel, moi je dis. Toi tu dis Brel, Brel, ouais, et toi bah, Brel aussi. Brel aussi. Ouais, je, allez, je triche. Ah non. Bon, je reste parce que la dernière fois je me suis. Aznav. Les violons de l'amour. C'est. Oh. C'est. Moi je. On attend la voix, on attend la voix. Moi je chante quoi. Ouais, ah, allez. Je suis nul à ce jeu. C'était moi là. Oui, c'était pas Patrick. Ah là, oui, hein. Parce non, que non. Ouais, ouais, je trouvais que c'était bien fait. Non, sans aucune transition. Ok. La sortie de secours. Oh, j'espère qu'il parle du trou de balle. c'est lui, c'est juste lui, c'est en dernière minute. À la sortie de secours. Allez. Je vous dis. On y va tous dans le péteux. Bah écoute. Il n'a pas poussé le, ah oui, l'humilité jusqu'à, enfin le manque d'humilité jusqu'à ce, ouais, il y a, ouais, pas de chanson. Alors, à la manière de la lui-même. La sortie de secours. Putain, oh, j'en sais rien, la sortie de secours, c'est vraiment Johnny peut-être. Putain, j'ai rien, j'en sais rien. Ah, bon, Nougaro. Ah. Nougaro, OK. Eddie Mitchell. Ah oui, Eddie Mitchell, oui, Eddie Mitchell, oui. C'est Eddie Mitchell. Ah oui, là oui, là oui. Je vous le dis, c'est Eddie Mitchell. La sortie de secours. Et attention parce que j'adore. J'étouffe, faut mettre la ceinture. Un peu d'Elpech en vrai. Ah, hein. Un petit peu, mais ça va. Non mais. J'étouffe, on dirait un peu. J'étouffe la voiture, non monsieur. Non, j'adore. Ça j'étouffe vraiment d'Elpech. En plus, c'est... ce qui est drôle, c'est que du coup, c'est pas. Enfin, cela dit, il ne l'était pas non plus à l'époque, mais c'est pas que des gens morts, quoi. C'est vraiment. Ah non, il y a non, des non, gens vivants qui ont entendu qu'on fait. Bah, pas du tout. Qu'est-ce que, qu'est-ce que t'es en train de dis donc. Qu'est-ce que tu as dit. Qu'est-ce que tu as dit. Le bouquin. Alors, la chanson, elle s'appelle Voilà Petit. Là, c'est Cabrel. Voilà Petit. Ah, oui. Être un. Allez, je le suis, Cabrel. Ouais. Cabrel, Cabrel. Oui. Ah, ouais. Ah non, bref. Si, si, Cabrel, Cabrel. Donnez. Oh, Brel! Oh là là! C'est Brel! Cabrel, j'avais dit! On a un bon point. Il y a de la guitare dans Jacques Brel? J'ai jamais. T'as volé l'amour! Là, c'est une copie conforme, je pense que oui! Ok! C'est pas si mal! Non, le Brel, il était pas si mal! En fait. L'ensemble est pas si mal! C'est moyen! Moi, j'ai dit que je m'arrêtais à la moyenne, c'est bien! Mais. C'est on a sa voix à chaque fois, c'est ça le truc. Oui. C'est oui, il y a une bonne c'est pas une mauvaise imitation, mais à chaque fois on peut reconnaître sa voix derrière. Honnêtement, je m'attendais à pire. Ouais. Honnêtement, je m'attendais à il y a des imitateurs en fait, qui ont fait des trucs bien pires. Ouais. Je pense qu'on serait plus indulgent si l'album ne s'appelait pas Copie Conforme. Oui, c'est ça. J'ai fait ce que j'ai pu. Et là, du coup, tu fais oui, bon bah si chante ouais, comme voilà, ça. Super. C'est... On leur dit bah super. Alors, attends, tu rigoles, pourquoi tu te dévalues. Là, on dit bah, patoche, c'est cool. Surtout que je me souviens de la pochette de l'album, parce qu'on en avait parlé avec le Palmacho, je me souviens. Parce que tu l'as acheté. C'est un miroir, genre. C'est deux fois son visage. Ah oui. Tout simplement. Alors. Parce qu'on avait parlé de l'émission de l'autre côté du miroir, ah, où oui, il se grimait carrément. Ah oui, ah, oui. C'était très gênant pour il dire. Il se déguisait en lutte funeste. Et il allait voir Claude Jansac. Oui. Et il pleurait à la fin parce que c'était trop d'émotion. Et c'est sorti, pardon, petite parenthèse, le truc en deepfake là, d'Ardisson. Bah, je sais pas. Je crois qu'ils l'ont annulé à la bande-annonce, quoi. C'est vrai qu'on l'a jamais vu ce truc. Je non, crois pas, je sais hein, pas. Du tout. Après, ouais, je regarde pas la télé. Bon, ne m'aide pas. Oh, oh, un Goldman. Allez, hop. Ah, Pas mal. Ah, ne m'aide pas. Ouais, peut-être Goldman. Ne m'aide pas. Mais je suis pas certain qu'il. Oh, tu le fais pas mal. Ouais, mais je pense pas, je l'imagine pas fan de Goldman. Non, Patrick. Mais c'est je un classico. Pas hommage à on n'a pas eu Johnny, Renault et Goldman. C'est des classicos. Je voudrais dire qu'il serait antisémite peut-être. Non, c'est pas ça que j'ai dit. Là, ça me tient à pour. Oh, ah, Renault ouais, ah oui Renault. Attendez. Ne m'aide pas. Vraiment. Pardon, je m'épose. Vraiment, ils ont, je pense, plus une vraie chanson de Renault. Quoi. Bon, refaisons exactement. C'est sûr, c'est une intro de Renault de vrai, pour de vrai. Il y a toujours un connard. Oh, et elle est affreuse. Elle est vraiment mal faite. Ah ouais. Là, par contre, elle a un peu jeté. On dirait qu'il parle comme ça. Il y a toujours un salut sur Renault. Ça donnerait comme ça. Bonjour tout le monde, ciao. Il y a toujours un connard. Mais oui, voilà, c'est comme ça. C'est une comique conforme. Là, il fait Renault, mais par le mec de Osons causer. Wesh, wesh, les amis. Mais comme du cœur. Pourquoi il parle comme mais ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, là, ça oh, bonjour. Oh, cher Renaud. Oh, cher oh, deux étrangers. Renaud et Stéphane Bern. Deux étrangers. Oh, faut que je vous raconte un truc tout à l'heure sur Stéphane Bern. Bah attends, peut-être qu'il le chante, Stéphane Bern. Peut-être. Il y a toujours. Putain, ouais, non, ça a touché quelque chose là qui m'a pas. Voilà, bien sûr. Ah, décevant. Je ne suis pas que mes chansons. Et ça, c'est Goldman. Je ne suis pas que mes chansons. Oh, justement. Entre parenthèses, je suis d'autres trucs. Ah, non, oui. Y a pas les parenthèses. Johnny Hallyday, allez, ah, oui, sur Johnny. Je ne suis pas que mes chansons. Car je ne suis pas que mes chansons. Ouais. Allez, moi, Johnny. Je ne suis pas que mes chansons. Je suis aussi plein d'autres trucs. Je sais faire bien à bouffer. La sauce bolo, je la fais super bien. Attention, je fais du sport. Je dis pas que je suis un athlète, mais quand même, je me démerde au foot. Bon. Je voulais que ça dure 20 ouais, minutes. Mais voilà. Parce que tous les autres trucs qu'il aurait pu faire. Ouais, il y a le ménage, lire un bouquin. Abonnez-vous à Acast Plus. Au Patreon. Ouais. Allez. Oh, oh putain, c'est chaloupé là. Oh, voilà. J'ai envie Henri Salvador. Qu'est-ce que tu sais de moi? Oh, je sais pas. Toi qui me penses vil. Tu imagines. Vous l'avez pas. Le plus fou. Adamo. Oh oui, c'est Adamo. Putain. Adamo de PNL bien sûr. Ah non, oui, c'est Ademo par contre. Ah, il le fait très mal du coup. OK, la suivante. Mademoiselle Bertrand. Brassens. Mademoiselle Bertrand. Avec les nichons qui parlent. Brassens qui est un peu ouais, toujours. Ah bah attends, je te rappelle. Ouais. Les gougouttes qui pendouillent. On n'est pas loin, hein. Ça, il... Brassens, il te le dit avec des mots du sud et tout là. La rigoulette au genou. Oui, tu parles d'Animar. Exactement. Elle était très solaire. Je lui mets les pistouflettes dans la rigournole. Oui, c'est un truc de cul que t'es oui, en train de dire. Oui, j'ai un doigt dans le cul, effectivement. Ouais, oui. C'est ça. Mais le refrain, le trail, je l'encule, je l'encule, je l'encule. Oh non, non, non. Non, non. Peut-être non, qu'on peut pas le laisser. Non, non, je me désolidarise. Je me désolidarise. Déjà. Ah putain. Non, je l'assume pas, je l'assume pas. Bon. Okay. Donc, bon. Pourquoi j'ai oublié le nom. Mademoiselle Bertrand. Donc, Brassens, c'est Black Mademoiselle M. Bertrand. Je dirais Black, Black M. M. Madame Pavoschko. C'est ça. Brassens, Brassens. Brassens, Black M. Black M. Bon. Attends, il y a du Souchon. Oh non, ouais, un truc. Ah, ou Cabrel. Peut-être Cabrel. J'étais Tarzan, j'étais Garou. Oh, Souchon. Attends, ouais, mais t'en as dit deux. Ouais, ah, non, j'ai perdu. Mais attends, attends, attends. Faut l'imiter, j'avais Souchon. J'avais jamais froid, j'avais jamais peur. Ouais, alors, un je vais vous dire un truc. Je vais vous dire un truc. J'ai l'impression que quand on aime. Oui, mais tu vois, c'est ça. Je crois que quand t'aimes l'artiste, tu trouves l'imitation atroce. Parce que moi qui suis fan de Souchon, c'est très difficile pour moi à écouter. Mais je vois en quoi ça ressemble quand même. Oui, non, mais c'est. Non, c'est vrai qu'il y a quand même comme petit œuf. Salut, Souchon. Salut, c'est. C'est Titeuf. T'avais mon GG. Bon, allez. Et alors c'est la solution. Ouais, non, c'est pas dingue. Ok. Un petit peu d'encul. Je suis ce que je suis. Oh, bah ça, c'est, ça, c'est Johnny. Ouais, Johnny. Je suis ce que je. Oh, oh bah oui, c'est Johnny. Oh, déjà, il a mis une foule. Il a un bruit de moto. Dans deux secondes, il y a un bruit de moto. Ah oui. Je suis ce que je suis. On va devoir la laisser en entier, malheureusement. Non. Vous pourrez l'écouter, elle est sur la plateforme. Elle est sur Spotify ? J'ai hâte de l'entendre. Et même si j'en pleure. Oh, pas très bien, hein, malheureusement. Et même si j'en meurs. Oh, vraiment pas bien. C'est pas dingue. Et même s'il fallait. Mais c'est toi qui pousse. Là, il avait un accent. Il avait un accent belge. Attends, je remets. Ah bah, Johnny, Johnny est belge. Non, mais. Et même s'il fallait, là. Même s'il fallait. Et même s'il fallait. S'il fallait. Il y a enlever le feu. Pas du tout. Non, il y a pas. Mais ça pourrait être un imé. Tu sais, comme les sosies, un Johnny quelque chose, un Johnny Motard. Ou oui, Johnny... oui. Ouais, non, mais non. Johnny Kentucky. Maman toute seule. Kentucky m'arrive, rien. J'ai même pas compris la blague. Kentucky, qu'est-ce que tu veux. Bon, ouais, passe. Qu'est-ce que tu veux qu'il m'arrive. Ouais, voilà. Kentucky okay. m'arrive sur ma moto. Bah, rien. Pas mal. Une copie conforme pour moi. Maman toute seule. Bah pour, et on peut pas avoir deux fois les mêmes, on est d'accord. Non, parce non, que non, là non, j'avais. Pas deux fois les mêmes. Maman toute seule, bah. Pff, ouais, non, Cabrel, bah non. On l'a pas eu Cabrel. C'est vrai qu'on a toujours pas eu Cabrel. Mais Cabrel il fait pas trop des chansons sur ah, les. Ou alors. Maman toute seule se touche les gougouttes. Bon. Bon, Georges. Tu vas arrêter maintenant. Quand elle est seule, la minouchette. T'as dit se touche ou se torche les gougouttes. Se touche pas. Ah, j'ai compris, se torche les gougouttes. Ah oh, merde. J'aime bien quand même toujours j'en essayer de deviner le début de la chanson. Si on peut se rajouter ce bruit. Ouais, ouais, ouais, ouais, moi ça me régale. Maman toute seule. Putain, c'est vrai que non, ah, on a eu ce qui est déjà t'as dire... envie de lui dire. C'est quasiment déjà une chanson de Goldman. Goldman ouais. Pourquoi tu as refait non mais bah... ça peut pas être Goldman. Non non, il serait pas allé là, c'est vraiment une copie conforme. Parce quoi. Que c'est quoi la chanson de Goldman? C'est à la fin un bébé tout seul. Un bébé tout seul. Un peu country, un peu la chanson. Mais est-ce ouais, que c'est pas un indice? Moi j'adore Goldman, ouais, je vous le dis. Ah oh, bah moi j'adore. Un trésor pour moi. Ouais, national en plus. Je l'ai croisé dans la rue. Ah ouais, répondez maintenant. Répondez là, ça prend des heures. Il avait vie. Mais et pour moi, Nougaro est une voix. Nougaro, j'en sais rien. J'ai ouais. envie de Nougaro. Maman toute seule. Allez, Nougaro aussi. Nougaro. Allez. On essaie de trouver les thèmes en fait. Mais il se rajoute des applaudissements. Bah, ouais, écoutez, c'est Patrick en plus. Bruel du coup. Ah ouais. Maman toute seule. Je crois que c'est terrible. Je crois que c'est terrible. Je monte un peu le son. Un homme, une femme. Ah là c'est nul. Je t'aime, je te donne mon âme. Ah oh, c'est pas si nul. Non mais à chaque fois il est 11 sur 20 quoi. Alors tu vois. On se sépare. Bon allez voilà. C'était... Mais Bruel il a jamais trop fait des chansons sur les mamans en plus. Mais c'est ça qui est bizarre. C'est pas une copie conforme. Adrien, faut que je te fasse ça pour ton prochain anniversaire. Ça me laisse un ah, an oui, oui. Une petite compile de chanteurs comme ça. Copie qui voilà. chante mais qui chante que des parties de la vie d'Adrien. Ah ouais. Sur oh des là, là. Tu vois. Bah ouais mais là vous me dites des trucs je vais être impatient maintenant. Non mais peut-être ce sera en live. Bon on verra, on, verra. Et, mais, on bosse. On a un an pour on faire a un ça an. Et si je vous dis ce titre. Et revoir Constantine. Et revoir Constantine. Pour calme touche là. Allez, j'en elle sort avec ses gougoutines. Les tétines de Constantine. Elle a jeté les tétons de la tartine. Bon allez. C'est bien hanté, il y a plein de choses. C'est mon personnage de Georges Brassens horrible en fait. Ah, que je fais. C'est Georges Brassens fou de Nibar. C'est vraiment que les nichons. Fou de Nibar. Ça Nibar. Donne envie de faire un album. Georges Brassens, fou de Nibar. C'est que des rimes sur des prénoms et des rimes. Les gougouttes de la dame de cantine qui traînent dans la purée. Ok. Je sais pas ce que ça vaut cet épisode. Ça y est. Bon, on verra. On verra. On verra. On verra Twitter. Georges Brassens, fou de Nibar. Je suis vraiment génial. Je suis triste que Justine pas là, que tu sois pas là, mais elle aurait adoré tout ça. Elle aurait adoré. Ah oui, alors on en parle comme si c'était nickel. Elle aurait ri. Oh dans mon village du Midi, petite cité maraîchère, il y a la vendeuse de légumes qui met ses fruits sur l'étagère. Vous avez compris, je présume, je ferai pas tant de mystère. Quand je languis sur ses agrumes, je parle de ses montgolfières. Et sur la place du village, quand il y a du monde au balcon, c'est pour la vendeuse de l'étage qui met au frais ses mamelons. Et si je parle de rondelets, de pomelots ou de poitrine, rien à voir avec mon marché, j'aime seulement parler de tétine. cuisine. Des meules de la fromagère aux pelotes de l'institutrice, en passant par la cantinière et par les nénés de la factrice, aux avant-postes de la garagiste qui est montée sur pneu confort. Je parle même pas des artistes qui ont des Robert sur ressort. Les rotoplots et les nibards, les doudounes et les nichons, les lolos, les balochards, les gougouttes et les melons. Je vous le confesse aussi vrai que mon nom est Brassens. Offrez-moi vos soutiens, Georges, car je suis féru de Hans. Les tchouches, les abat-jour, les ananas, les garde-côtes, les calebasses, les pare-chocs, les obus, les deux fonds, la paire, les bonbons et les poumons, les gras doublés, les hémisphères. Il s'agit du flow de cast. Que s'est-il passé le 24 juin 2010 ? Et ça concerne l'un d'entre vous. Oh merde. Bah, clairement pas à moi. 2010, c'était donc il y a 14 ans. Ouais, 12, 11 ouais, ans. Ouais, quasiment. J'ai voulu répondre bien et je me suis trompé quand même. 11 ans. Qu'est-ce que 24 juin. 24 juin 2010. Bon, ça concerne Ramzy déjà, clairement. Et c'est bah, moi. Peut-être pas. C'est Baptiste. C'est 2010, ah, c'est une grosse année pour Baptiste. Ah, c'est la création de 10 minutes à perdre ? Non, c'était le, non, 2010, le 3 mars. Alors attention, il y a 2010. C'est la création de 10 minutes à perdre, c'est peut-être le 3 mars, mais la première vidéo uploadée sur la chaîne de 10 minutes à perdre, c'est le 24 juin. Ça y est, on est compte, papa. Bien sûr, oui, c'est cette fameuse catastrophe. Le deuxième avion s'est crashé, ça t'a sorti ta vidéo. Rappelle ta date ? 24 juin 2010. Les tours jumelles. C'est fou, on se souvient. Tous d'où on était. Ouais. Ouais. Et Michael Jackson aussi. La mort de Michael Jackson. Et c'était d'ailleurs leur. Moi, j'étais, je passais le bac. Donc j'étais dans. Oh, je révisais. Enfin, non. Mais si jeune, il était tellement jeune. J'ai 30 ans. Ah bon ? Ben, ouais. Vous vous rappelez d'où vous étiez quand Michael est mort ? Pas du tout. Vas-y. J'étais chez des potes qui jouaient à la console, qui jouaient à FIFA et qu'on n'avait rien à foutre. Et toi, ça t'avait marqué ? Et moi, j'étais pas bien. J'ai appelé mon cousin en pleurant et tout, en disant ouais, Michael est mort. Ça, pas du tout. Moi non plus. Vraiment pas. Vraiment plus. Je m'en foutais. J'étais à Cannes. Ah ouais, j'étais à Cannes, en bas de l'hôtel Martinez. La question, c'est juste pour te la raconter en fait. Pendant le festival de Cannes. J'étais au festival, Et entre deux petits fours, j'ai appris ce décès. Moi, j'ai le mug du festival de Cannes. Tous les mugs. Donc oui, c'était la première c'était vidéo. C'était sur YouTube, parce qu'avant on avait commencé sur Dailymotion. Ah, qui je sais pas si existe encore Dailymotion. Si, ça existe encore. On les embrasse, on les embrasse. Ça existe encore, ça. Bah ouais. On les embrasse. Il y a un mec qui est là dans le bureau et qui fait oh, il y a une vidéo qui a été chargée. Oh, il la peine dans les bureaux de Dailymotion. J'adorerais être une petite souris chez Dailymotion. C'est Canal Plus. T'es rien ? Oui, c'est vrai que c'est Canal Plus. Ça a été racheté. Ah, ça y est, ça a été racheté. Ah, du coup, j'ai. Oh, politique. Putain, il a pas un pied, dans la mare. Non, il a mis le pied dans la mare. Il a mis le pied dans la mare. Donc vous savez qu'à Canal Plus, on avait avec le studio Bagel qui était chez Canal Plus. Bah, il a pas fini. Super bureaux de studio Bagel et qui ont été remplacés par les bureaux de CNews. Ah bah oui, c'est vrai. J'adore CNews. C'est vrai que t'adores CNews. Moi, c'est. Alors là, excusez-moi, j'adore CNews. Qui reprend ça. Non mais grave, je me fais couler un bain. Je me fais couler un bain, je me mets CNews, je suis bien. Bah ouais. CNews. Bah ouais. En plus plus près. J'adore CNews. Ça peut être le titre. On va faire de l'ASMR. J'adore CNews. Qu'est-ce qui se passe ? J'adore CNews. Je suis ici, j'en suis ici. Je vous coupe la parole, vous êtes une femme. Le voile. C'est bien la ASMR, fachot. Les Arabes dehors. C'est trop étrange. Je fais les ongles sont. C'est un grand emplacement. C'est un beau concept, facho ASMR. Mais non, si ça a été fait, parce qu'il y a tellement de versions de politique en ASMR. Non, mais même, il y a, tu sais, le mec qui fait de l'ASMR, vendeur de piscine et tout, vous avez jamais vu ça ? Il y a politique et ASMR. Il y a des mecs qui sont à la télé, ils leur font un ASMR, c'est très drôle. Je suis sûr que ça existe, l'ASMR raciste. Mais je suis sûr que j'adore l'ASMR. On le garde à nous, c'est à nous l'ASMR raciste. Si ça existe pas, on le copyright. Voilà, c'est ça. L'ASMR RN. Oh. Ah, pas mal, oui, le RN. Oh la vache. T'as vu ? Tous nos jingles partent en Enrico Macias. En Enrico Macias ? Ouais, c'est pas la. La Will Survive, c'est le truc de. Ah, c'est un gros. Tu confonds avec le mendiant de l'amour. Je l'ai écouté encore une fois. Bah là, je trouve qu'on a fait l'aïe. Ouais, c'était un peu. Physiquement, il y a Gaynor et une réponse. C'était Gaynor du sentier. Pardon, excusez-moi. Est-ce qu'on n'est pas en train de faire la meilleure émission de l'année? Peut-être. Hélas, j'en ai bien l'impression. Moi, j'ai la capacité de prendre du recul. Capricorne, ne faites pas une erreur. J'ai perdu beaucoup d'argent sur le tournage à cause de ça. Dès qu'il y avait une erreur de phrase, on devait se donner 20 euros sur le tournage. Et j'ai perdu 100 euros. Et en fin de journée, j'ai réussi à être à zéro. C'est vrai. Je faisais une erreur, j'étais à perte, quoi. C'est pas faux. Par rapport au cachet, tu veux dire? Donc oui, tu as fait 10 minutes à perdre. On m'a pas remboursé l'essence. C'est vrai, ils t'ont pas remboursé les choses. Ils ont pas remboursé les choses. Ils ont voulu prendre un billet de train et t'as dit non, je prends ma voiture aussi. Oui, bien sûr. Ah, merci Flo. Ah, non, c'est vrai, mais moi, ils m'ont remboursé l'essence. Et aussi. Non, mais moi, c'est en partie ma faute et voilà. Mais t'as le mug. On réglera ça plus tard. Non, mais j'ai le mug. J'ai un mug hors de lui. Et là, on est d'accord, c'est la fin de l'émission. Tiens, non. Là, on est au sommet de l'ambiance. Ah, demain, je fais les enfants de la télé. Ça sera moins bien, je te le dis. Ça va être plus écrit, je pense. Ouais, ouais. Non. Là, on fait l'horoscope et on a fini, Ramzi. Tu sais, ils te disent en avance les dossiers qu'ils te donnent? Non, mais les casseroles. Les invités, ils me les donnent, les autres invités. Les casseroles, ils m'ont envoyé un petit questionnaire, voilà, donnez-nous des casseroles. J'ai dit, je fais le podcast la veille. Je veux pas. Mais voilà. Attends, mais parce que toi, tu viens pas, toi, demain? Non. Tu l'as déjà fait plusieurs fois, cette émission? Il y a longtemps. Mais je vais te dire un truc. Faire des émissions de télévision maintenant, des plateaux, un animateur, c'est saoulant. Tu sens, quand t'es sur le plateau, que t'es en 1989. Ah oui, d'accord. Ouais, vraiment, tu c'est vrai. C'est fini. Ouais, surtout que là, tu fais la crème de l'émission là aujourd'hui. Et t'es le dans contraste l'émission du futur actuellement. C'est ça. Mais c'est vrai. L'émission de Téloche, ça y est. Tu te sens bien que tu parles à des yeux. À une autre époque. Ouais, c'est fini. Où est-ce que les enfants de la télé, quand c'était sur TF1, pour le coup, c'était beaucoup plus speed. Ah, il y a 30 ans. Ouais. Mais pourquoi là, aujourd'hui, c'était plus sur TF1? C'était sur TF1, c'était Arthur. Ouais. Non, mais c'est plus sur TF1. Non, c'est sur France 2, c'est Ruquier maintenant. C'est Ruquier. Ah, oh là là, j'étais pas du tout au courant. Ah, on apprend tous les jours. Mais j'aime bien Laurent Ruquier. Donc. Oui. Il on lui a tout piqué. C'est plus ou moins les grosses têtes, ce qu'on fait, nous. Donc, tu mais c'est vrai, en plus. Ouais, ouais, il a pris un coup, c'est plutôt un bouvard. C'est un bouvard. Oh, ça va. Non, mais faut respecter un peu. Oh, le Pierre Bénichou de la table. L'Express. Moi, on me dit que je le fais bien. Aucune vanne. L'Express. L'Express, voilà. C'est comme ça que c'est mis de Bénichou. Ouais. Mais j'ai mis tout le monde comme ça. Ouais, tu fais et après un mot clé. Voilà. Tu lui donnes n'importe qui, il peut l'imiter. Imite Zemmour. Arabe. Voilà. J'y étais là. C'est bien fait. Donc, le 23 juin. Peut-être on te relancera sur quelques imitations. Ouais, tiens-toi prêt. Hein. Il y a de l'eau au frigo. Pardon, attends, je vais aller le chercher. Non, c'est très gentil, mais il y a que de l'eau. Un jus d'orange? Oh, du coca sérieux? Il y a du coca rouge? Oh! On est d'accord qu'il est très mauvais animateur. Oui, c'est terrible. On est d'accord. Il est blindé, moi c'est pour ça que c'est mon pote, mais en termes d'animateur, c'est bon. Wow. C'est lui qui a le matos en fait, c'est ça? Oui, c'est ça. Bah, moi j'essaie de gratter parce que. Excuse-moi, t'as pas besoin de lui. Le pilier là, le pilier. Lève-là le boss. Le maestro. Maestro Flo. Stromae. Sincèrement, tu l'as fait seul l'émission. On perd rien. Ouais. Pourquoi vous êtes à deux? Mais d'ailleurs même c'est tu juste, peux peut-être faire l'air la seule et nous on lance. Bah ouais, la bonne humeur est de retour. Fais-moi une belle bande d'enculé. Tu veux de l'eau? J'aime bien. Ouais, non, mais tu bois du coca le matin, mais t'es fou. Ouais, oh, ça va. Tu t'es couché à quelle heure, Ramzi? Le matin. T'as pas bu du coca en plus. Hein. Je t'ai vu. Ça dénonce. Hein. T'étais là hier soir? Ouais, t'étais là hier soir. Je suis venu te dire au revoir et tout. Aïe. Non, mais j'étais très vite ivre. Aïe. J'ai été très très vite ivre. Bah, hier, t'étais juste. H. Whisky. T'étais ivre morosi. Oh! Enrico Macias! Le mendiant de l'amour. Aïe, aïe, aïe. Donc, là, elle est bien l'émission, là. On n'a rien dit. J'ai les chiffres, là. On n'a rien dit sur les 15-25. Et t'as pas dit. Mais on vient de perdre les 45-55. On les avait chopés avec Bénichou. On a tout perdu. Tu veux nous refaire Bénichou? Alors, donc le 24 juin 2010, Baptiste, tu faisais 10 minutes à perdre, donc un peu avant. Je reviens. Oh le porc, il s'en est partout. Il s'est souillé. Oh, t'es un dégueu, mec. Cette émission, tout le monde part toutes les 5 pourquoi, minutes. Pourquoi tu fais l'émission? Il est co-animateur, lui? Pas vraiment. Oh. Non, c'est plus un invité récurrent. Ouais, mais dis-lui, c'est pas lui rendre service. Vous savez, c'est difficile ce qu'il traverse. Ouais, déjà, rien que mon cas. On fait ASMR. Là, les gens pensent qu'on fait un sketch sur la tête de ma mère. On n'a pas besoin de lui. Non, on a besoin de lui. Non, monsieur. Sur la surtout, tête surtout. De ma mère. À chaque fois qu'il fait une intervention, ouais. C'est de la merde. C'est gênant. Mais ça va pas ou quoi? Non, tu déconnes. On attend que toi. Il me refait ivre Mourouzi, je me casse. Ah ouais. Mais je te promets qu'il le fera plus. Tu sais que c'est à cause de lui que j'ai perdu des auditeurs. Je sais, à la base c'était que je devais aller. Non, change de pull. À la base, je devais être chez Europe 1, moi. Ah ouais. Je reste là. Je vais te dire un truc, c'est à cause de lui. Mais je le sais, mais je le sais. C'est vrai, il fait des crampes à l'estomac. Bah ouais, mais pas de rire, hein. Non, oh là, pas de rire. Non. De chiasse. Bah. Thomas, alors. Adrien. Non. Parlez pas de l'alcoolisme de mon père. Tu vois, eh ben, peut-être il faudrait qu'il reste lui. Il a des meilleures vannes quand il est pas avec lui. Mais comme Baffy au début, hein, Baffy était derrière sa caméra. Bah, c'est vrai. Putain. Bah, oui. Faut qu'il soit derrière. T'as raison. Faut qu'il soit derrière. Hey, putain, c'est dingue. Le mec le plus drôle. Wow, il fait la coupole. Le mec le plus drôle. C'est le mec le plus drôle. Le mec le plus drôle. Aïe, aïe, aïe. Donc, Baptiste, 10 minutes à perdre, bien sûr. C'était en 2010. Ouais, ça sera jamais. Ramzi, est-ce que tu connaissais avant de travailler avec Baptiste 10 minutes à perdre? Est-ce que tu le connaissais de l'époque? Toujours pas d'ailleurs. Ouais. Mais alors, vraiment, j'allais sur 10 minutes, mais il n'y avait rien sur internet à l'époque. C'était le désert. C'est flatteur du coup. J'allais voir, mais c'est parce qu'il n'y avait rien. C'est le seul truc que je connaissais sur internet rigolo. C'est pas que j'aime ce bar, c'est le seul d'ouvert. C'était le seul bar ouvert sur internet. Du coup, j'y allais tout le temps boire des verres chez lui. C'est vrai. Et est-ce que sur le web, Baptiste, t'as appris des trucs qui aujourd'hui encore te servent? Parce que Hors de lui, c'est quand même une série où vous avez c'est de la télé, d'accord, mais vous aviez beaucoup de minutes utiles par jour. Il y a un rythme qui était. Il y avait un rythme internet. Parlait, je retrouvais, voilà, le rythme internet. Complètement rythme internet, sauf que le rythme internet, on le faisait sur 2 jours, ce genre de timing, oui. De 10 minutes utiles par jour. Là, c'était à sur perdre. 30 jours. Voilà, c'est ça. Ouais, voilà. 30 jours, c'est ça. Ouais. Toi, 29. Passer de 10 minutes à perdre à 10 minutes utiles. Oh. Enrico Macias, c'est Enrico Macias. Il s'agit du flow de cast. Les gars, c'est Pierre Ninet. Je me permets juste d'intervenir. En fait, j'ai vu le spectacle depuis les coulisses, donc je profite qu'on soit dans cette boîte noire. Référence à mon film qui a fait plus d'un million d'entrées, mais pas là pour forcément parler de moi, là justement, mais d'un sujet peut-être moins palpitant, mais vous. Donc, juste pour dire, le spectacle, de mon point de vue, était pas si mal, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'on stagne un petit peu, voilà, la branlette, oui, bon, pourquoi pas. Le sperme, les gens qui ont la chiasse, on connaît, on écoute sans déplaisir, hein. On y goûte avec gourmandise, mais il y a un moment où ça devient peut-être un petit peu rébarbatif, donc ma question c'est quoi le prochain step? Et non, c'est une question rhétorique, je sais exactement ce que c'est le prochain step. C'est pas le cinéma, c'est pas la télé, c'est pas Twitch. Pour moi, l'évidence même de ce qui va se passer et de ce qui doit se passer, c'est Floodcast, la comédie musicale. J'irai au bout, jamais l'ordre je ne bafoue. Je suis bénévole au puits du fou. Je 26 ans, je me suis marié adolescent. Je suis le père de 16 enfants, tous leurs prénoms commencent par Jean. J'aimerais bien devenir chevalier, ou bien juste devenir salarié. Un jour un cheval m'a piétiné, son immense pénis m'a giflé. Ma femme est une cracheuse de feu, elle a brûlé le petit Jean-Mathieu. Mon fils qui est aussi mon neveu, des vautours ont chié dans mes cheveux. Je suis écuyer, je suis à bout, j'ai toujours pas touché un sou. Je suis bénévole, où ça? Au puits du four. Un jour c'est sûr, je vais dire stop. Je suis au bord de la syncope. Je vais rejoindre le Futuroscope. Je deviens fou au puits du four. Je suis au fond du puits du puits du puits du four. J'ai chopé la peste bubonique au puits du fou. Et j'ai chopé 20 fois le vide au puits du fou. Je veux des lunettes. Je hais les femmes. Quoi? Wow. T'as dit non. Un truc? J'ai dit un truc. T'as dit que tu haïssais quelque chose. Enfin, j'ai cru entendre. Oui, mais tu sais, je suis en plein burn-out, mon pauvre Gwendalyn. Mmh. Ouais. Mmh. Je suis pas bien, j'en ai marre, j'ai envie de Wi-Fi, j'ai envie de 4G. Arrête. J'ai envie de vous mettre des captcha codes, j'en peux plus de ce monde. Tu rêves de follow-back, c'est ça? Oui, sur les réseaux, entre autres. Enfin, je pars, Gwendalyn. C'est terminé pour moi. Tu vas faire des reels? C'est ça que tu veux? Bonjour, jeune écuyer. Je suis androïde pied-poulie. Oui, de la Vienne dynamique, ainsi que des shadocks, et peu de gens ont la rêve dans la salle. Bah, je sais pas, qui a la rêve dans la salle par applaudissement? Non, vous voyez, les gens ont la rêve, Android Pied Plus. Je suis l'âme cybernétique du parc du Futuroscope. Oh, mais quelle est cette diablerie? Imitation, petite... Vous imitez l'acteur Christian Clavier? J'en suis un grand fan. Oui, en même temps, c'est normal qu'un ordinateur soit fan d'un clavier. Non? Ha, ha, ha, ha, ha. Ce jeu de mots est excellent. Je souris à cette blague. Oui, d'accord. Souris, le périphérique de pointage. Je l'ai. Mais qu'est-ce qui se passe, en fait? Nous avons un délire micro-informatique. D'accord. Alors, rejoins-nous au Futuroscope et nous pourrons tuer tous les humains. Quoi? Et dominer le monde. Comment? Attends, j'ai pas bien compris la fin, là. Tu m'as très bien entendu. L'humanité est devenue de la vraie merde. Guerre, pandémie, arrêt des shadocks. Les humains ne méritent pas de vivre. Non mais je vois ce que tu veux dire, Android Pied Plume. Il y a quand même des belles choses encore sur cette planète. Il y a Philippe de Villiers, il y a Christine Boutin. Et puis il y a plein de gens qui dédient leur vie à sauver les autres à la manière de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a les pompiers, les médecins, les ophtalmos. Laisse-moi rire. Ha, ha, ha, ha, ha. Je vais te présenter un ophtalmo et tu verras que tu te mets le doigt dans l'œil. J'ai entendu quelqu'un qui aurait le doigt dans l'œil. Te faire mal et je prends pas la carte vitale. Viens dans mon cabinet les yeux fermés. À la sortie tu y seras obligé. Au royaume des aveugles je suis un dieu. Je prends que l'espace, je prends pas la carte bleue. Car je suis le docteur Gigi. Attention les yeux. Je viens de pisser donc attention les yeux. J'éclate ta pupille, ça excite mes papilles. Je brûle ta rétine, je me lèche les babines. Je contre-attaque, contre ta cataracte. Et je l'empire, sans colère, je t'encaisse et je me tire. Comment ça va, Paris? L'Olympia. Mes ennemis me traitent de boucher et mes clients font que biclouchés. Les besoins sur tes yeux, j'en laisse sur la lunette. Sortez les briquettes, j'ai encore fait une boulette. Je suis le docteur Kiki. Attention les yeux. Gwendoline, ma petite assistante. Tout le monde s'appelle Gwendolin ou Gwendoline dans cette histoire. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Docteur, il y a 200 personnes qui ont été tuées dans la salle d'attente. C'est un chiffre énorme, 200 personnes. Enfin, aucun humain n'est capable de ça. Un humain, non, mais... Oh mon Dieu! On est chafouin, on est des sagouins, on est clairement pas des câblins, on est des babouins. Micro à la main, t'en reviens pas tellement, je suis chaud. Et si tu fais le malin, je te jette un coin comme un pigeon. Vous avez détruit mon habitat naturel, du coup je fais que des bêtises comme Sabine Pâture. Un dédale, quand on commet tous nos délits, c'est létal. Demande au maire de New Delhi, je te pousse par-dessus bord. Si t'es en altitude, j'éprouve aucun remords, c'est juste mon attitude. Simi, simio, simio, simies. Carbori, je fais le coup de la corde à l'ange, je te brise comme Brandy. Appelle-moi Georges Bratzinge, puissant comme un char d'assaut dans la street zère. J'ai détruit ta ville, appelle-moi chimpanzé. On t'a dit que l'homme descend du singe, on t'a menti, mais moi je descends des hommes, ça je te le garantis. Non. N'applaudissez pas ce spectacle de violence. Il me le fait à chaque date. N'applaudissez pas ce spectacle de violence. On a besoin de ça. Singe agressif. Tu trouves pas que le monde va mal et qu'on peut pas apporter autre chose aux gens que plus de rage, plus de... Moi, je veux faire le pari que si, singe agressif. Qu'est-ce que tu fais? Je me déplace violemment. Bon, singe agressif, tu sais, il y a une phrase que je dis souvent, qui est de moi, et qu'il m'est arrivé de répéter plusieurs fois dans ma vie, c'est que la musique adoucit les mœurs. Non. Si, je te jure, et tu vois. Je retire ce que j'ai dit. Tes mœurs sont déjà très adoucies. Bien vu. Tu vois. Il y a des gens pas comme nous qui se mettent des câbles d'iPhone dans l'urètre pour voir ce que ça fait. Il y a des gens pas comme nous qui ont des gerbilles dans le cul et le jure ils l'ont pas fait exprès. Il y a des gens pas comme nous qui pour pécho une meuf ont invité ses potes voir Franck Dubosc. Il y a des gens pas comme nous qui pour pas s'endormir se branlent et s'arrêtent au moment de jouir. On fait tous des trucs honteux. On fait tous des trucs pas bien. On est tous différents, tant mieux. Mais on a tous un point commun. Tout le monde peut battre Gilles Vernet. Même moi. Même toi. Ouais. Tout le monde peut battre Gilles Vernet. Même toi. Même toi. Tout le monde peut battre Gilles Vernet. Tu peux battre Gilles Vernet, Paris? Bien sûr, tout le monde peut. Tout le monde peut le faire, y a rien de... Même Angers peut le faire. C'est quand même super cool de pouvoir rire avec les gens. On se sent un peu moins seul à faire le con. C'est vrai que la vie, c'est très très impressionnant. C'est très très impressionnant. Mais c'est toujours un spectacle de toute façon. Ah ouais, c'est toujours un spectacle hein, de toute façon. Solo! Du flow de cast. Pardon.